Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Direct du Lac Labiche, vous écoutez l'épisode 3 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, JF Crompe, le numéro 21, Dave Thibodeau et le numéro 7, Mart Vero. Yes sir! Ouais! Woo! Bonsoir les gars et bienvenue à l'épisode 3 de la soirée du podcast, édition du 31 octobre 2014. Bouh! Eh oui, allez, c'est l'Halloween. C'est l'Halloween. Pour ceux qui nous écoutent en direct live, c'est-à-dire personne présentement, vous voyez dans le background ces belles citrouilles du Canadien et de Batman. Ouais. C'est pour notre auditoire geek qu'on a fait ça. Là. Oh ouais, c'est tout pour vous. Alors oui, ce soir, on va jouer en désavantage numérique. Il nous manque trois gars et puis on joue d'ailleurs à l'étranger. On est chez Dave aujourd'hui. En fait. Ben ouais. C'est plus Dave qui aurait dû nous accueillir au podcast, c'est plutôt que moi. Ah ben, ça va bien les gars? Ouais, ça va bien. C'est hey, ça ton accueil. Toi, JF, ça va bien? Ça a l'air que il manque un petit bout. T'as le casse au vif. Okay, y a des rumeurs là, qu'il y aurait eu genre de la circoncision dans l'air. Là. La circoncision c'est illégale. C'est comme à moitié vrai. Il reste encore un petit bout. Là. Elle casse à l'air. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est pas une greffe de peau? Écoute, Marthe, on n'en parlera pas trop parce qu'à ce soir, on a un menu très chargé pour vous. Là, plusieurs sujets sur la table. Hey, à ce soir, qu'est-ce que vous buvez, messieurs? On boit de... Mais non, on a ici ta petite bière, là, ici. Une Archibald de la Ciboire. La Ciboire. Ça, c'est pour nous aider à sacrer. Ou la Ciboire. La Ciboire. J'ai vu Ciboire. Si on y va, ouais, c'est... Moi, mais moi je pense que c'est la Ciboire. Ça se boit bien, tout ça, là. Oui, ça se rôde bien. Écoutez, Archibald, on est toujours en recherche de commandite. Là. c'est sûr qu'ils nous écoutent. On vous dirait bien franchement qu'on est un peu découragés. On n'a pas bien de réponse. Même Old Milwaukee ont refusé de nous commanditer. Là. On ne sait plus quoi faire. Là. Sérieusement. Là. On pourrait jouer avec la Bat-5. Hein. Je sais pas, Wildcat, peut-être. C'est encore ça. Hey, tu te rappelles-tu la vieille, genre la Red Bull Max, là? Les grosses bouteilles 1.18. Et ça, c'est dans le temps, genre de la Triple X, là, des affaires ouais, de même, mais ça, c'était genre. Ou de la Black Ice. 7-8% d'alcool, est... là. On est tellement. La gueule en boire une, là. Non, c'est de la Molson 3X. Je me sais plus c'est ça quoi qu'il y avait. Mais la mon Black Label. Mon père buvait ça, de la Red Bull Max, ou je sais pas. Pas Red Bull, de la Bull Max. Là. Ton père, il buvait-tu de l'alcool frelaté dans des buckets, mais avec des 3X dessus, là? Que comme de l'alcool de cartoon, un peu. Là. Ouais, genre du moonshine. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, quand tu buvais ça, c'est parce que t'as quand même eu une grosse journée à job. Là, ouais. T'avais pas nécessairement bien été. Bon, écoute, on est tellement désespérés, on boirait même de la tornade en ce moment. Là. Ça existe ça encore? Je pense que non. Je sais pas. D'après moi, ça existe plus depuis à peu près 15 ans, ça. C'est pas Mitsu qui avait lancé ça, c'était je bien, sais pas, mais. C'était de la bière. T'avais deux sortes, t'avais ça puis la boomerang. Ah, la boomerang, la tornade, ça se vomit bien, ça. Je me souviens pas, la boomerang, c'était ça, mais la tornade, c'était de la bière, mais comme aromatisée, c'était dégueulasse. Mais tu sais, tu bois ça quand t'as 15 ans. Toi, tu dis que c'est Mitsu qui est parti ça pendant Beau et chaud? Non, ça? Peut-être que je me trompe avec les... C'est pas Beau et chaud, c'est trompe. Quoi qu'elle faisait l'été? C'est chaud. Moi, je me rappelle pas de ça. Non? Ouais, moi, je m'en souviens, mais c'est pas une de ces tunes, ça? Peut-être. C'est probablement elle qui faisait le générique d'intro de son émission, mais on s'en calisse. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est un podcast. Ça, c'est... D'ailleurs, si vous aimez ce qu'on dit présentement, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter et sur Google+. La soirée du podcast. Puis sur Twitter, c'est @soirée du podcast. On est disponible en audio sur iTunes, Stitcher, RZO. J'ai l'impression qu'on venait de partir avec une jasette. Genre là, ça s'en allait nulle part. Ben écoute, à soi, on est juste trois, fait que ça se peut que ça dérape bizarrement plus qu'à 6 personnes. On est quand même plus lousse. Puis d'ailleurs, parlant de dérape... Ben, admettons que c'est ça. C'est un petit peu plus léger parce que là, dans le fond, on va être un petit peu plus relax que... Ben, on est comme présentement dans le salon des anciens, là, des vétérans. Là. Pas de Il doit s'en dire de la marde dans ce salon-là. Fait que tant qu'à dire de la merde. J'ai écouté un peu le dernier podcast qu'on avait fait, puis on parlait quand même du chef à Stéphane Richer. Pas nous autres, c'est Jean Perron qui avait là de ça. C'est vrai. On peut toujours se laisser. Nous autres, on en parlait pareil. Nous. On en parlait pareil, puis tant qu'à dire de la merde, on va aller faire l'avant-match. Oui, monsieur. Avant de commencer l'avant-match, on va parler un peu du pool de la soirée du podcast qui se poursuit toujours. D'ailleurs... Parle-moi pas du Chris de pool. Ouais, je sais, Dave, que t'es loin, on va en parler un peu. Là, mais pour les, pour les poolers qui nous écoutent, vous avez droit à un échange au mois de novembre, alors profitez-en bien. Moi, j'aurais tellement de choses à échanger. Moi, là, j'ai pris un joueur recrue, j'ai pas pris Drouin parce qu'il était blessé, fait je me suis dit, je vais en prendre un autre. J'ai pris genre Teuvo Teuvarainen. Il a pas joué une crise de game. Ouais, j'en ai qui sont des mineurs, il moi aussi. Il jouera peut-être même pas. Teuvarainen, c'est un choix risqué un peu. Ouais, mais c'est parce que je me suis dit, tu sais, un choix avec les Blackhawks. T'sais, tu vois que les Blackhawks, tu produis. Mais je trouvais vraiment bizarre qu'il y ait Teuvarainen soit comme des choix. Là, Ben, dans le fond, je sais pas pourquoi j'ai pas pris, genre, mettons, Forsberg ou juste Drouin. Ou... Mais j'ai pris qui, Forsberg, dans ce round-là? J'ai dû prendre Drouin. Non, mais toi, tu l'as dit au dernier show, Mart, c'est un laboratoire, ça, pour toi. Là. Fait que t'es allé à peu près, là. Ouais, mais j'aurais jamais pu. Quand est-ce que j'ai dit ça? J'étais-tu là, ce show-là? J'étais là. Mais... Alors, les cinq premières positions du pool en ce moment. Le numéro 5, Jerry Godbout. Le numéro 4, Luc Desormeaux. Le numéro 3, Mathieu Apprel. Le numéro 2, Mathieu Gélinas. Et le numéro 1, Steve Fortier. Pour ce qui est de notre cas, à nous autres, les 6. Le numéro en 8e position, Martin Véraud. Ben, on a au moins un dans le top 10. J'étais dans le top 5 cette semaine, moi aussi. Ça change vite. J'ai remonté dans comme 20e position un moment donné, puis ça a duré un jour. Malheureusement, ouais, c'est ça. Le jour d'enregistrement aujourd'hui, Dave, tu n'es pas dans les premières positions. On continue avec Alex Galipon. Alex est 13e, moi je suis en 15e position. Jeff Mallette, 18. Alex Cron, 21. Et Dave Thibodeau, 35e sur 43. Represent. Ça en prend un dans la cave. Ouais, mais je vais avoir un meilleur joueur pêchage. Mais ça varie. Je vais aller pogner Connor McDavid. Bon, fait que je sais pas s'il y a de quoi vous vouliez jaser, vous, avant qu'on commence la première période. Bon, je sais pas. Je veux jaser de Connor McDavid. Ah, il va être bon, là. McJesus, comme il l'appelle sur 25 Stanley. McJesus. C'est lui, ça? Ouais. Ouais, c'est ouais ça lui, doit être lui, ouais. Ouais. Il y a pas ben des mecs, là. Ben, il y a McKinnon. Ben, il joue déjà. Ouais. Il est en train d'allumer en passant. Là, il est en train d'allumer? J'allais dans mon pôle, il est à temps. Tu vas voir, lui va être payant. Le Landeskog, ça va venir et tout. Là, tu l'as, je pense. Ouais, j'ai trois joueurs de l'Avalanche. Ça sent bien. Il y a des joueurs qui n'ont pas débloqué encore, mais je pense que tout le monde. Il y a beaucoup de monde qui ont pris des joueurs des Blackhawks, des joueurs de Colorado. En passant, j'ai vu une game l'autre jour, c'était Colorado. Un joueur qui est vraiment bon, man. Là, c'est Duchesne. Colorado, il est fou. Matt Duchesne? Red, man. C'est le seul qui produit pas mal présentement au Colorado. Si, man, ce joueur-là, il était écœurant. Toutes les moves qu'il a fait ce soir-là, c'était comme un show de. Oh, c'était une clinique de hockey, c'est ce qu'il a fait. Il a tout fait sauf scorer, là. Mais, puis j'ai vu ça joueur... Ça fait penser à un joueur avec les Canadiens, genre Lars Eller. Non, oh, t'as marre de... Regarde ça pour tes moins. Un qui m'a fait penser, quand j'ai regardé les Canadiens après, un qui m'a fait penser à lui, puis que je me disais, asti, nous autres, on a un joueur qui a le potentiel de faire comme Duchesne, comme je regardais Duchesne jouer. Puis, style, il l'a fait pas longtemps après, c'était la game de... Je me souviens, ben c'est la game de Galchenyuk. Je me souviens plus c'est contre quelle équipe. Hey, mon gars, il a tout fait sauf scorer pendant la première et deuxième période. Non, mais il était dans la zone de. Tu sais, ses entrées de zone, là, genre, là, se passaient à pas entre les patins. Tout le temps, des hosties de move de mon gars, mais juste pas capable de finir. Mais ça va venir. Il va débloquer. C'est son année. Là. Il va péter un plomb. Là. Moi, je sais pas si vous écoutez 24 CH cette année. Ben oui, je l'écoute un peu. Non, moi, je l'ai jamais écouté. Non? Non, des fois, quelques émissions, mais... C'est quand même bon. Il y a quelque chose qu'ils ont présenté cette semaine, ben, depuis le début, en fait. C'est smooth, mais c'est bon. Là. Ben, t'sais, c'est sûr que c'est un peu... C'est une pub, style. Ben oui, c'est une pub, puis c'est monté propre. Ils te montrent juste les bons côtés, puis t'as personne qui pète des TV ou rien là, là-dedans. Non, là. C'est clair. C'est pas 24/7. Non, c'est sûr que 24/7 va pas aller plus loin que 24CH. Ouais, 24CH sont pas mal... Ils protègent leur image aussi. Il y a tout le fait qu'ils te suivent à l'année longue. Fait que, tu sais, à un moment donné... Ils ont présenté le match contre Boston, puis ils n'ont pas montré le bout avec Lucic qui se branlait devant la foule. Non, là, ça, c'est clair. Il y en a pas qui montrent, par exemple, c'est qu'à chaque fin de game, ils prennent une photo d'équipe cette année. Oui. Puis ils lisent comme le joueur du match, puis ils mettent une genre de robe de chambre à la Rocky, un peu, prennent une photo avec. J'ai trouvé ça vraiment cool, puis je pense que ça va cimenter un peu l'esprit d'équipe de faire ça. C'est super bon. Je veux dire, il y a plein de teams qui font ça. Des teams les Rangers qui donnent le chapeau, genre. Ah ouais. Ils ont le chapeau de. Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, ils ont toute une affaire quasiment, les équipes. Peut-être Montréal en a un, puis on le savait pas, whatever. Là. Non, je pense que c'est la première fois qu'ils font ça, la photo. Ils ont commencé avec une POC. Ils donnaient la POC du match au début de la saison. Puis après ça, c'est devenu genre ils prennent la veste de Rocky. Là, la veste de Rocky, plus ils prennent genre un team photo à la fin. C'est, cool. Ben, c'est bon pour le team spirit. Là. C'est bon pour des teams différents. Ouais, mais ça, c'est plaisant. Ça te donne ça te donne des bonnes assiettes. Donne une bonne assiette à l'organisation. On voulait dire des assiettes, ça, c'est ça? Ouais, c'est Bergevin, ouais, au dernier podcast. Ça donne des bonnes assiettes. Ça donne une bonne assiette pour l'organisation. Wow, aussi. On se croirait presque dans un rêve. Dans un rêve. Pis, non, mais ça, là, ces affaires-là, là, de là, la robe de Jean, Bastille, puis tout le kit, là. Ça, c'est le fun quand que ça va bien. Ouais. Quand tu perds 6 de suite, par exemple, là, j'ai hâte de voir. Tabarnak, ouais, mais c'est ça, j'ai hâte de voir pareil quand mais qui perdent une bonne séquence parce que là, on n'arrête pas de gagner. On va le en parler, team spirit, tu le vois quand le team y en perd là, une coupe de collée. Là, c'est là que tu vois c'est comment que ça sort. Là. Puis, ben, c'est ça. L'autre affaire qu'ils ont montré dans ce domaine 4CH par rapport à ce que Mark a dit au dernier podcast, ils ont montré le check de Lucic dans le dos de Emlyn. Ouais. Je suis comme pas d'accord avec ce que tu dis, Mark. Chris, ça, tu reviens sur du vieux stock. Ouais, mais c'est parce que tu iras voir l'angle des caméras puis tu viendras me redire après s'il y a vraiment eu de l'embellishment ou pas, là. J'ai pas dit qu'il y avait de l'embellishment, tu irais réécouter le game tape. Ouais, OK, non, OK, peut-être que j'ai dit qu'il y a de l'embellishment. Non, mais j'ai dit qu'il y a de l'embellishment, vous me le dites, là, OK? J'ai dit ça, mais je voulais... Embellishment, c'est peut-être fort comme moi un peu, non, mais je veux dire, il s'est collé dans la barbe. Il a reçu un shot puis il s'est aidé. Non, selon moi. Ton point, en fait, c'était vraiment que le Canadien a une réputation de faker pis de manger une marbre. Ouais, je pense pas que c'est plus vrai qu'un autre team, c'est le problème. Oui. Sérieusement, Montréal sont pointés du doigt pour être des hosties de chialeux. On rembarque pas là-dedans, mais okay, c'est bon. Tu iras voir l'extrait. J'essaierai de te le pogner l'extrait puis on en reparlera peut-être mais un autre fois. Je vous dis, faites une recherche à voir Canadien de Montréal à travers la Ligue, comment ils sont perçu, mais c'est sûr parce que le monde. Ah, mais, c'est intéressant que j'ai lu. Il y a beaucoup là-dessus. De haters sur le Canadien. Là. Oui, il y a beaucoup de haters parce que c'est comme toutes les grandes équipes, dans le fond, ils sont. C'est la même affaire que les Yankees. Hein? Ben, c'est ça, exact. C'est ça. Ben oui, alors. Les équipes les plus titrées et les plus grandes équipes sont tout le temps. Mais Montréal, principalement, sont vraiment comme. Si, admettons, je regarde beaucoup les forums de discussion de hockey. Ils sont flagués un peu. Flagués, mais en réalité, je pense pas qu'ils en font plus que les Subban, autres. Dans les faits. Ouais, mais Subban, là, c'est rare que tu vois un joueur qui est hué à travers une bonne partie des patinoires de la Ligue nationale. Quand Subban a le puck, tu entends souvent des hués. Ouais, mais il est hué parce qu'il est bon en partie, je pense, plus que parce qu'il dive. Oui, j'ai eu peur de ce que tu allais dire, Amnesty. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. On rembarquera pas là-dedans. Non, on va se faire bloquer. Il y avait une tradition de huer Jagger dans le temps. Jagger se faisait huer n'importe où qu'il allait quasiment. Ah, mais c'est plus à la mode, je te dirais, de nos jours. Oui, maintenant, de spotter un gars dans l'équipe. Mais tu sais, je veux dire, à Montréal est quand même spoté, là, pas vrai. Chaque team ont leur player qui se fait huer, là. Ouais, mais non, il y a des équipes qui n'en ont pas. Ouais, mais ça se fait pas partout dans la ligue, là. Ouais, mais il y a des équipes, on dirait Montréal, il y a des teams qu'on reçoit chez nous, puis on sait pas qui huer dans les teams de l'Ouest, on les connaît pas, hein, c'est ça. Ouais, mais... Tu sais, je me vois pas huer. Détroit, on a eu personne dans Détroit, on a eu personne à Winnipeg. Ouais, mais Détroit, c'est nouveau qui sont avec... Ouais, je sais bien, mais Asti... Moi, Nel Yakupov, il y en a plein, là, qui ont... Hein? Nel Yakupov d'Edmonton. Mais qui vient de jouer à Montréal, m'a hué. On cherche des gens à huer dans l'Ouest, là. Ils vont le trader. Tu peux le huer dans l'Est, hein, si tu veux. Trêve de bavardage, là, étant donné qu'on a un menu très chargé ce soir, deux fois je l'ai dit, on va dropper la POC et on va commencer la première période. Ah, Chris, t'as pas commencé? Non, c'est le pre-show. Puis... Voyons. Tu fais ton ref qui fait de dropper la crise de POC. Drop là ta crise de POC. Exact. Donné, l'excellent travail des refs cette saison. On en reparlera tantôt. Là, ben, deux options. Des notes. Soit qu'on commence par parler de tous les matchs un après l'autre qui se sont passés ou... On fait nos plus et nos moins, puis après ça, on parle des matchs. On commence pas tout le temps par nos plus, nos moins. Ouais. Commençons par nos plus et nos moins. Ouais, puis, on peut débarrasser ça tout de suite. Faisons le tour de la table pour nos plus, puis on reviendra pour nos moins. Fait que vas-y, Dave, commence avec tes plus. Tu me surprends. Je te mets sur le spotlight. OK, ben, ben honnêtement, j'aurais plusieurs plus et plusieurs moins, là. Ça c'est clair là. Ben, tu peux donner plus qu'un là. Je vais donner mon plus, mais vraiment mon plus, je vais le donner un de mes plus que je donnerais, c'est à Carey Price. Parce que je trouve qu'il a vraiment remonté son niveau de jeu depuis les dernières games, depuis le dernier podcast qu'on s'est parlé. Il a vraiment remonté son niveau de jeu. Il est sacoche, il est rapide, il est focus. Puis il nous garde des games. Puis c'est grâce à lui, je pense, qu'on réussit à aller chercher des games. C'est sûr. Oui, parce qu'on commence tout le temps à mal les games. C'est clair. Mais mon plus autre, qui est moins peut-être évident, c'est... on en a parlé un petit peu avant le podcast, c'est Alex Galchenyuk. Il me fait capoter, ce jeune-là. Je le regarde aller. Il est beau à voir, Alex la rondelle. Mon gars, il a tellement un contrôle. Puis j'ai vu une stats. Je sais pas exactement c'est quoi la stats à 100%, mais je pense que c'est lui qui a le plus de hits dans l'équipe. Ah ouais? Parce qu'il est en échec avant, il fonce tout le temps, il est tout le temps sur la puck. Puis c'est ça que j'ai remarqué cette année, c'est que il travaille tout le temps. Il lâche pas la rondelle. Il est sur la rondelle, il est sur le play, puis il backcheck et tout. Il est pas mal plus rapide sur la défense. Puck pressure. Ce qu'il avait pas avant. Ben, c'est con, mais tu sais, comme tu regardes les années crash d'avant, puis il reculait pas en défensive. Pis, cross de net! Tu le regardes présentement, puis tu sais, il est plus 2 quand même. Là. Fait que tu sais, Galchenyuk, qui est comme, c'est quoi, deuxième pointeur de l'équipe? Il est troisième, ouais. Troisième, bon. Ben, égalité avec Pacioretty. Ben, c'est ça, tu sais. Des bons joueurs. On s'entend que la saison est tôt, puis il est déjà égal avec Pacioretty, mais tu sais, ses responsabilités ont vraiment grandi, là, pareil. Là ils ont donné, ils ont fait de la place. Ouais, c'est Galchenyuk. Il a pris le room, qui revient, là. Dans la dernière game, là, ça allait pas bien contre les Canucks. Ça allait pas super bien. Mais là, on va en reparler. Tu vas parler tantôt. Matchs, là, je vais regarder de quoi par rapport à ça. Bon. Parce que donc, moi, avec tes plus. OK, on fait les plus, on fait les moins. OK, le plus, je sais pas trop. Parce que, non, mais c'est parce que Montréal est comme... j'aurais le goût de le donner à Plekanec pour eux. Ben, bon choix. J'ai le goût de le donner à Plekanec parce que c'est notre premier pointeur. Il est, mais tu sais, José Price est un tout aussi bon choix parce que Price est le meilleur joueur de l'équipe en ce moment. Là. C'est le plus talentueux, je pense que c'est lui. Là. Puis c'est là, gars, là, la saison, peut-être qu'il a parti peut-être un peu en dentis, là, genre là, les buts qu'il a accordés des fois. Ou les situations. Ouais, ben c'est normal là, aussi. Mais là, notre défensive est comme pas sa coche. Non, non là, vraiment t'sais. Pas. Là. Oh, mais si bon, non, sinon, je donnerais à Plekanec parce qu'il se manifeste vraiment fort en début de saison. Est-ce qu'il joue pour le C présentement, Plekanec? Ben, je sais pas. Je pense que le C, il est pas si important que pour ça lui, en ce moment, ouais. Pour vrai. Pour lui ou pour tout le monde? Genre, non, je pense. Pour l'équipe, c'est pas important. Je sais pas. Ouais. Non, j'ai pas le feeling que le C est un enjeu. Moi, j'ai oublié le C. Là. J'y pense pas là, quand j'ai regardé les Canadiens. Ben non, c'est quand même dur de chialer présentement sur le CH quand on est premier de la Ligue après, je pense, 11 games. Matchs, ouais, 11 matchs, games. On a perdu. Mais deux c'est parce fois, que ça va bien. C'est parce qu'on est en first. Deux défaites, puis une défaite en prolongation. Si on était en 7e position, on ferait comme ah, fuck, là. Bon, c'est sûr, on n'a pas de capitaine. Ah, c'est sûr, on n'a pas si. Non, là, rien là, fait ouais, si mais là, ça, tu cherches des défaites dans ce temps-là. C'est ça l'affaire. Mais tu cherches pourquoi ça marche pas. Tu cherches taper. C'est ça, tu cherches taper où. Bon, ben là, c'est ça, on a un problème de leadership. OK, mais d'abord, si on chercherait pourquoi ça marche pas, on peut chercher présentement pourquoi ça marche, le Canadien? C'est quoi la raison qui fait qu'on est aussi bon présentement? Toi, puis tes grandes questions, là, plein de mots. Là. Faut que je les pose, ces questions-là. Merci de philosophe, ah ouais, toi. Il demande les affaires à l'envers. Toi, tu nous joues dans la tête. Moi, va pas chercher ce que t'as, va chercher va savoir ce que t'as pas. Je fais des segways entre les sujets. T'es comme un petit Brendan Gallagher, toi, tu joues dans la tête. OK, mais sérieusement... Moi, je suis pas net tout le temps. Non, mais il y a une affaire qui est bizarre de Montréal, par exemple. C'est que maintenant... Avant, Montréal, il startait fort en première et en deuxième période. Ouais, il faisait du hockey de rattrapage en troisième. Il se faisait planter. Là, il gagne en troisième. Ils ont du caractère ils en sortent, fou cette année. Mais ouais, mais ils sortent comme so-so. Puis boum, en deuxième, ils reviennent à la fin de deuxième. Start solide, troisième, ouais. Il annule. Tu sais, il remonte le score. Il lâche pas. Il gagne en overtime. Tabarnak. puis ben, j'aime ça voir ça moi. Ouais, ben oui, c'est cool. Ça donne des games intéressants à regarder. Mais c'est bizarre là. Comment que ça change. Je sais pas pourquoi ils startent pas fort. Montréal, on a tout le temps été une équipe qui s'est rendue en troisième. On s'écroulait un peu. On se défendait au bout de 5 minutes de jeu là, en troisième période. Tandis là. Que là, on est quasiment une équipe de genre ouais, avant, de rattrapage. T'es ben, arrivé en troisième. Une équipe de rattrapage, mais on gagne. Hein, là, on va y chercher ouais, les c'est matchs. Ça. Là. On a zéro sont tenaces. On score en troisième. Contrairement à avant, que tu regardais la troisième, les 5-10 dans la minute, puis t'avais des grosses sueurs froides, t'étais sûr qu'elle allait se faire scorer 10 fois. Là. Hey, ouais, moi, j'en ai beurré des shorts. Du jus de papayote en fou. Là. Ça coûte cher de bobette. Ben moi je vais donner ben j'ai lavé pas j'ai jeté tu sais JF là, du jus de papayote là, pour le monde qui nous connaissent pas puis qui comprennent fuck out c'est je vais mettre de l'écho là-dessus on appelle ça du beurre de raie donc c'est le mélange de sueur et c'était pas coule dans le dos hein. C'était vraiment mauvais ce segment là t'avais-tu un autre plus smart ou t'es correct non je pense qu'il s'en vient je pense qu'il y a une petite coulée dans le bas du dos. Un autre plus, moi je te donnerais. Ben, ouais, je vais donner à Price aussi. Un autre plus. Non, je. Je m'en allais parler. J'ai quand même fait le saut. Est-ce que tu vas pouvoir faire le saut de call? Non, ok, ouais. Mais Price, il s'accroche. Bon. Sérieusement, Price est parmi l'élite de la Ligue nationale. Des ah oui, oui, c'est vraiment, ça. Là, ouais. C'est top 3. Là. Puis je pense qu'il est même pas à son prime encore, Price. Hein. Oh, ben, il est dans la ben, courbe, il, là, il, la non, courbe il est à, en haut, là, puis là, il va stagner dans cette courbe. Il va stagner, mais il va être fort. Moi, je pense qu'il y a encore un peu de développement à faire parce qu'il arrive dans la fin vingtaine. Puis je dirais fin vingtaine, début trentaine, c'est le pic pour un gardien. Ouais, mais il est dedans. Moi, je dis, là, la là, courbe, là, il est arrivé pas lancer, mal au pic, ouais. Puis là, il va stagner de même pendant là, une couple d'années. Là. Comment on appelle ça en maths, une curve, là, quand ça arrive à son... En tout cas. Ben, son pic. Son pic, pic. Là, puis là, ça, comme, là, ça monte un petit peu, puis ça reste straight. Là. Ah, ça, c'est à cause de son corsi et son Fenway. Ah, le Fenway qu'on n'apprendra jamais. Là, après ça, il va avoir un slope, là, il va commencer à signer des contrats dans d'autres équipes par rapport. Il va commencer genre à... Il va se faire péter des portes, il va tromper sa femme avec... Il va faire de la poudre. Il va se mettre 12 cigarettes dans la gueule à Cuba. Il va commencer sa carrière de même. Il va finir de même et tout. Il va finir sa carrière comme il a commencé, avec 12 clubs dans la gueule. Ouais, c'est ça, des smokes indiennes. Des smokes de contrebande. Bon, ben moi, je vais donner un de mes plus à Galchenyuk, moi aussi. Pour, tu donnes des plus, toi? Ben oui, je fais ça, moi aussi. Oh, ouais, je vais donner mon plus à Galchenyuk. C'est une opinion, toi. Ouais, si je pensais que c'était incrosté. C'est ça, là. Des fois, à cette heure que les autres gars sont pas là, là tu te permets de parler. Hein? Ben ouais, monsieur est rendu avec comme une identité dans le show, là, tu sais. Faut bien que je fasse un peu de feeling pour remplir le blanc, tout ça. Mais. Blanc? Louis le blanc. Le blanc. Je vous ramène des sacrements. Je vous ramène il des. Il ramène le blanc, toi. Des fantômes. Hey, des fantômes. Du... Moi, mon plus à Andrei Kostitin puis Louis Leblanc. C'est bizarre si tu dis, ah ouais, moi je veux rappeler le noir. Alors, commence pas, toi. Non, je vais donner à Galchenyuk pour. J'essaie de trouver le bon terme, mais Monsieur Flamboyant, le gars qui nous sert des feintes incroyables tout le temps, enfin. Il est beautiful, man. Il est excellent à avoir joué. On a un joueur d'élite, là. Sérieusement, ouais, là, on a un avant d'élite, là. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas un joueur spectaculaire dans même. Le fun à voir aller, là. Puis je donne mon plus pour ça. Puis mon autre plus, je vais donner un peu bizarrement à P.A. Parento. Ah, ben ouais, c'est ah, bon. Ouais. Ouais. Le gars ben, qu'on bon. On n'était pas sûr s'il allait bien faire le trade avec Brière. Puis à date, je suis pas déçu. Le gars, il se donne tout le temps. Il fait des esti de belles feintes en tir de barrage. Il nous a fait gagner deux matchs, je pense, en tir de barrage, lui, à date. Ouais. Il a un physique intéressant. Physique aussi, intéressant, pareil, il dire, se donne. C'est cool d'avoir ça. Plus de gabarit. Ben, pour l'instant, on peut dire qu'on a le dessus sur l'échange avec Brière. Je pense qu'on va l'avoir à long terme. Ouais. Peut-être qu'il va comme stagner à un moment donné. Il scorera pas, avoir une période morte. On va le voir plus avec le temps, mais je pense que oui. Il a l'air quand même heureux à Montréal, ouais. Ce gars-là, présentement. Je pense qu'il va faire une bonne jump sur un deuxième, troisième trio à long terme. Puis mais ce qui était le plus souvent reproché par rapport à Parento qu'on entendait, c'était son problème d'attitude. Ouais, puis un genre de voir manque avec des tirs le de travail, ouais, là, comme ça. Mon frère disait au podcast, qu'il était, il avait une bédaine, puis il était tout le temps sur la brosse. Là. Ouais, mais... Ça dépend, t'es où, avec qui, c'est ça, qui il... t'es Trump, ah, puis, c'est clair. Comment que ça ben, va il le coach. Il a l'air bien chumé avec... Avec Darnay. Avec Darnay. Ah, ben, c'est sûr. T'as-tu vu, justement, dans 24CH? Ouais, il est là, ils sont il comme... Il était à la mise en jeu avec Tanguy, puis il dit... Oui, ah, c'est que Tanguy, OK. Il dit, hey, Tang, comment ça va? Puis il dit, ah, ça va bien, toi, ouais, ça va bien. Là, ça va mal jouer avec une hanche de bois. Dit, ça va comme ça va. Ça, quand tu joues avec une hanche de bois, puis là, genre, Parento part à rire. Il dit ça au face-off. Il dit ça au face-off. Ben, il est comme, ben, sont les deux aux ailes. Ouais, c'est ça. Puis il jase. Là, parce il parle avec des harnais aussi, on est en deux périodes. Puis il dit, ah, t'as-tu vu le shot? Est-ce que j'ai manqué mon tir? Là, j'étais sur bord du scoré, calice. Là. Il a l'air bien chummy. Ça, c'est le fun. Là. J'aime voir. J'aime le genre d'attitude qu'il y a dans le vestiaire un peu. Puis ouais, c'est ça. Il y a l'air d'avoir une bonne vibe. On voit pas tout. Fait, c'est non, mais il y a quand même l'air d'avoir une bonne vibe avec le Canadien cette année. Ben, oh, ouais. il y a l'air d'embarquer, puis il y a l'air d'être dans la parade, le gars, là, je veux dire. Puis, je veux dire, il y a l'air cool aussi. Tu sais, il a l'air quand même confiant là, de son jeu. Lui. Il a pas l'air comme un gars qui se cherche ou qui est non, c'est ça, il... avec des points d'interrogation dans les yeux. Il connaît sa job, puis, tu sais, je veux dire, il y a un physique un peu semblable à Bourque, là. Dans, ouais, dans la mais genre de pas chef. Mal meilleur que Bourque, mais, il est peut-être un peu plus trapu, genre. Ouais, mais, il, mais je veux dire, dans le même style de jeu, dans le même style de hockey qu'il a offert, genre aller chercher des pucks d'un coin, ouais. Sortir ouais, avec ouais. Le puck, il va, puis il sait où se placer. Il a pas l'air perdu sa patinoire, au moins. C'est ce que je demande, ce que je veux voir. Tu sais, c'est comme... Toi, un gars perdu, t'aimes pas ça? Tabarnak! Sur ça, c'est un bon pont vers les moins. Fait que vas-y donc avec tes moins. OK, ben moi, je donnerais là, un tu moins. Tu fais ton mea culpa, là? Non, mea culpa. Ouais? De genre... Non, mais moi, je donnerais un moins général, OK? À la défensive du Canadien qui en arrache, mais pas à peu près. C'est pas super. Et particulièrement à Gilbert. Ton amour, là? Le gars qui mon est pas amour si que de ça, jeunesse. Ouais, le gars que j'aurais pas dû me fier à ses stats, là. Mais, asti, man, sérieux, là, ça asti que ça roche la vie, là. Ben, je ne sais pas quoi dire. Ça... Il n'est pas rapide. Non, mais non, là, mais. Ah, ben, là, si on parle de Gilbert, rapide, non, Gilbert, il fait chier. Quand mais il on s'entend dessus que. Son skate, là, puis là, il y a quelqu'un qui se parque le puck, mais il essaie de partir après. Ah, hey! Avant, fine, là, parlant de défensive, par exemple, juste un petit plus que j'ajouterais, Markov. Qu'est-ce que je donnerais un plus à Markov? Pourquoi? Parce que c'est encore notre général à défensive. Solide. C'est le plus constant, c'est le plus fiable offensivement, défensivement, c'est le plus solide. Puis si c'était pas de lui, ouais, si c'était pas de lui, mais notre défensive elle serait dégueulasse puis elle est pas sur la couche là. Ouais, puis Subban, c'est pas sa force là, l'aspect défensif. Il y a encore des aspects améliorés. Puis Beaulieu, Tenordi, tu sais, je veux dire, on a vu des bon belles choses là, de Tenordi, mais qui a encore bien des affaires. Ben, c'est sûr, il arrive eux autres dans la grande ligue là. Yemlin, on dirait qu'il repogne pas le puck comme faux, le beat, je sais pas mais ce ouais, qui se passe. Mais il y a pas général, mal de passes, par exemple. Il joue avec Subban. Fait que, tu sais, ouais, ça aide en crise. Puis il joue de son bord, surtout. Il joue là. De son bord, ouais. Aussi. Enfin, mais défensive, ouais. Général, ouais, c'est pas fort. Mais un autre moins, par exemple, que je donnerais, là, ben, c'est le duo, là. Bourque et Heller. Le duo qui chie dans la mythe, là. Au moins, Heller a scoré, là. Ouais. Hey, moi, je pensais que ça leur lancerait. Puis almost ouais, book. Au moins, on aurait eu quelque chose de positif. Il est mal entouré. Le hashtag almost book s'est rendu jusqu'à François Gagnon puis d'autres mondes, genre des journalistes anglophones. Fait que c'est cool. Fait qu'utiliser ça, almost book. Il y a eu aussi cet hashtag-là. Ben, on ne sait pas d'où c'est vient. C'est Jean Mallette là, qui a commencé ça. Non, mais ils ont trouvé une image qui avait comme des hashtags de noms de joueurs. Puis book, c'était almost book son nom. Puis nous autres, on l'a repartagé pour on a dit allez-y, comme partez ça. Là. Ça, c'est Mallette qui nous a comme montré ça. Ouais, là, c'est genre, ça, puis ça a parti. Là. Mais là, il y en a un autre aussi là, avec Heller, mais je ne me rappelle plus c'est quoi exactement. Là. C'est comme. Bon, je ne sais pas, j'en parlerai pas, je ne me rappelle pas dans le fond. Vas-y, on meurt avec tes mains. C'est quoi ça? Heller, il y a un hashtag aussi, mais je ne me rappelle plus. Heller, il est rendu avec un hashtag aussi, ouais. C'est genre un hashtag. C'est pas genre Poor Heller ou quelque chose de. Ouais, Poor Heller, c'est ça. Poor Heller. Vas-y, on meurt. Ben, là, c'est les moins. C'est le moins, ouais. Les moins, Mark. Eh bien, j'aimerais donner mon moins à... Tu l'écho là-dessus, moi? Alors, ce soir, j'aimerais beaucoup donner mon moins à un joueur que... On dirait qu'il y a une église, est-ce que t'arrêtes de faire un mort? Vrai, il est mort. Pour vrai, mon moins, est-ce à qui je le donne? Moi, Gilbert, je suis pas capable. Là. Gilbert, sérieusement, il, là, joueurs, là, évident, là, il me donne... il me donne comme un style de l'urticaire. Ça me pique dans le cou. Après ça. En plus, ça me kick dans la gorge. Ça me kick dans la gorge, man. Mais ce qui fait, en plus, capoter, c'est qu'il joue 22-25 minutes par match, là, Gilbert. Je sais pas, sérieusement, là, c'est quoi cette ben, affaire-là? C'est parce quoi que qu'on là, voit parce, pas, c'est, ben, là, c'est parce ben, que. Je pense qu'on voit juste ses revirements, genre, là, on voit puis... pas le moment qui nous fait pas peur. Il est pas gagné avec. J'ai vu des belles choses de Gilbert, Mais pour la quantité de merde qu'il fait, là, ça compense. Ouais, c'est peut-être ça, là. Ben moi je l'aime pas, sérieusement, c'est pas le genre de défenseur que j'aime pas en tout. Pis, il fait pas que le CH. Mais... je trippe pas. Bon, je trippe pas. Moi, j'ai pas bandé Gilbert. Là. Moi j'ai eu un rave. T'as eu un rave? Moi j'ai eu un rave. J'ai eu un rave. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rave. Comme ouais, d'argent. J'ai eu un rave, puis je me suis dit. On le traitait comme une chaudière de glace. Chris, ça sur le bench, puis rappelle Bouillon, puis je suis sûr que ça fait une meilleure job. Ah, ouais, oh, Chris, que oui, man. Vraiment, là. Mais c'est pas Bouillon. Si là. Tu le mets sur le banc, est-ce qu'il va comprendre? Il est mieux de comprendre. Pas certain de ça. Faudra en parler avec Michel. En tout cas, là, tout ça pour dire, Rusty, que d'un mois, je mets Gilbert, puis qui sait, je mets et tout, je mets un petit paquet. Je mets à 3 puis à 4. Rusty, d'un. Ouais, quoi que la 4, c'est pas si pire, pareil. Mais là, elle, ils l'ont fait. Hey, Bowen, Bowen, man. Ben ouais, là, Chris Moon joue encore. Qu'est-ce que c'est ça? Eller, ils l'ont descendu sur la 4 avec Prost ou non. C'est Prost qui ont monté dans le fond dans dernière game. Ouais, mais ça j'ai vu ça. Ouais, Prost, il joue avec Eller. Ça ou... se peut, j'ai semi-regardé. Là, il était tard en game. Ben, c'est ça. Ouais, fait il y a eu des games de l'Ouest là aussi. Sérieusement, je pense que le temps de glace de Eller, il diminue considérablement aussi. Genre, mais là, moi, de moi, 3 ce que minutes je comprends de moins pas, de c'est game. Comment en ça, game, Moon a encore du temps de glace? Est-ce qu'il a encore le montré? Il me fait chier, lui. Moen, il est considéré en haute estime par l'organisation. C'est assez conclusion de petit. Il y a juste nous autres qui comprend ben, pas. Il l'aime, Asti, je le sais pas. Il doit faire des massages. C'est quoi? Y a-tu des photos de Bergevin et Terrain en train de fourrer une chèvre? C'est quoi, là? Je sais pas. Là. Il doit donner des... Change des raisons, Dave. Je sais pas, man. Ça, c'est une très drôle de raison. Ben non, mais tu sais pas, là. C'est cocasse. C'est comme frivole. D'après moi, il fait comme. Il doit faire des massages aux pierres chaudes. Hey, moi, je pense que c'est, genre de, c'est un genre de foot fétiche. Il fait des massages de pieds quand les gars ont mal avec leur patin. Avec sa bouche. Là, toi, avec sa bouche. Wesh. Il suce le gros orteil. Ah, oh, c'est dégueulasse. T'avais-tu ton de moi ou t'es correct, ah, le mort? C'est assez. Là, mon moins, c'est ça. Là. Qu'est-ce que tu nous dis et tout? Là. Je pourrais donner mes moins, moi aussi. Ah ouais, je donne un moins au foot fétiche. Avec la mousse de bas. Avec la mousse. Ouais, je peux donner des moins, moi aussi, à Bourque, à Heller, à Gilbert, à toute cette gang de cabochons-là qui font rien. Là. Surtout Bourque, tabarnak, benchez-moi ça. Là. Comment ça, il a encore sa chance après autant de games? C'est pas sa faute, le Bourque, selon ce qu'on a vu sur Bourque, RDS. Mais Bourque, parce que tu vis tout le temps comme sur l'espoir de... Hey, non, mais... Tu vis sur l'espoir qui va compter, genre... Attends, là, on est à 11 matchs. Il reste 7 buts à compter en 9 buts. Ouais, mais OK, mais on a juste 7 matchs. Ouais, mais non, mais non, mais un hat-trick, puis il en reste juste 4, là. Mm. Un hat-trick, puis il en non, reste non, juste non, 4. Non, non, mais je comprends, OK. Mais admettons, là, on regarde Desharnais l'année passée, ça y a pris quoi? Ça y a pris quasiment jusqu'au fait, hein, avant qu'il débloque? Non, mois novembre. Ça a pris une vingtaine de games. Ça a okay? pris mois novembre. Il a fallu que Denis fin novembre. Aller sur le banc. Ça a pris 20 games. Mi-novembre, on doit être rendu à 15-20 games, okay? Games, ouais. Fait que, mais je pense pas que Bourque va débloquer. Non, Miller, mais c'est parce que les autres, je pense... Mais de toute façon, Bourque, il est dans notre équipe, on est pogné avec. On est pogné avec. Fait que là, dans ouais, le mais fond, attends, là, tu peux bencher. Les Blue Jackets, là, ils ont genre, je pense, 7 joueurs réguliers de blessés. Ce serait peut-être le temps de leur envoyer un ah, mais ils sont encore lisses. Ils veulent pas lui. Bois pourri. Ouais, ouais, mais ça marche pas de même. Là. Ils parlent au bas. Non, mais check bien ça. Non, okay? Je cherche des solutions. Bourque, là, d'un coup. Tu sais pourquoi qu'en playoff, il s'est mis à marcher que le calice puis que tout rentrait? Parce que selon lui, c'est du jeu plus physique en playoff. Ouais, mais il est zéro physique. Ça n'a pas rapport. Il cherche. Il est pas zéro physique, mais. Il est zéro physique. Il se donne pas, ça, là. Ben non, en série, il était quand même pas si pire. Là. En série, il se donnait, mais là, il fait pas ça. En série, c'est vrai, il était moins effacé que Pacioretty. Ouais, puis il était quand même assez physique aussi. Ben, ce gars-là, là. Mais il y a le profil physique. Parfait, man, pour être un NHL all-around, pour tout faire, scorer des buts, être capable de prendre le style des mises en échec, être capable mais d'en encaisser, d'en power donner. Power forward, man. Power forward. Moi, je suis tanné de l'aider dans les médias, dire que c'est pas de ma faute, puis genre, je ben, c'est parce que il est troublé. Il doit-tu jouer avec le bâton serrant de les mains, lui, par exemple, présentement? Là? Il doit vraiment le vouloir son but. Puis hier, il a manqué encore des esties de belles shots, là. Il y avait des filets ouverts, il a tiré à côté. Il y a besoin d'une grosse thérapie, man, sérieux. Il devrait aller voir des masseurs érotiques, il faut peut-être qu'ils se vident un peu. Va au Kama, man. Mais non, sérieusement, mon moins, je vais le donner au powerplay du Canadien présentement. Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire le jeu en triangle à passer la puck à Subban? Là, on le connaît, ce jeu-là. La passe à Subban, ça ne marche plus. Pas. Arrêtez de faire à ça. Star, là, quand ils font le jeu-là, Subban, il faut qu'ils se départissent. On n'était pas comme 0 en 22 sur le powerplay, quelque chose de genre. Là. Non, ça, c'est sa route. Ça. Mais non, mais on était 0 en 22 pour le piqué, je pense. Non. Piqué, on est genre d'un top. Je pense qu'on n'a pas accordé. 0 en 22, on n'avait pas accordé comme ça. J'étais en 22 occasions, on était 0 but accordé en 22. Je pense mais... que c'est 0 en 20 cas qui tout de power play c'est ça, à l'étranger. Mais là, mon moins, c'est vraiment... Le Canadien soque à l'étranger en power play. Mon moins, je donne vraiment sur ce jeu-là de passer la puck à Subban pour qu'il slappe la ligne bleue. Arrêtez de faire ça marche plus. Là. Les équipes le savent qu'on fait ça, fait trouver une autre solution. La période qui se termine, puis on a juste fait nos plus, nos moins. Attends, il me semblait qu'on manquait de stock en plus, t'sais, à 3. En ban de style dans ta barre. Non, mais. On va boire plus. Non, mais je m'en rappelle même pas que je voulais dire. Non, mais sérieusement, c'est parce que c'est prévisible, puis toutes les équipes, ils le savent. Fait que là, ils savent que, dans le fond, c'est juste de checker Subban. Subban, tu as résumé ma pensée. Ben, c'est ça. C'est parce que, tu sais, c'est sûr, les autres font du vidéo, ils checkent. OK, le power play de Montréal, c'est basé sur Subban. Il leur soit sa pointe. Mais je sais pas. Non, mais écoute-moi. Là. Ce que je veux dire, là, c'est c'est quoi tu voulais dire? Alors, du coup... C'est un con, vous savez. Alors, non, les cons. Non, mais t'as peu. Avant, sérieusement, comme assistant coach à Montréal, il y avait Gérard Galland. Ouais, lui, ça, c'est une grosse fait portion. C'est, moi, c'est lui qui s'occupe du power play. Je sais non, pourquoi ça marche pas, moi, le power play. Là, c'est Larry Carrière. Il n'a pas de capitaine. Non, c'est qui, là? C'est qui, là, l'assistant coach, déjà? Je me souviens plus, là. Ah, c'est Lacroix. Ouais, c'est ça. Daniel Lacroix. Dan Lacroix. Mais, puis, en tout cas. Avant, là, c'est ça. L'autre, il était super bon. Les joueurs adoraient ce joueur. Pas ce joueur-là, mais cet assistant ce coach-là. Ouais. Galant. Puis là. Il était galant. J'espère qu'il était bien galant dans ses explications. Non, mais en tout cas, gars, je sais pas. C'est peut-être le coach de Powerplay, man, qui est comme. Il est poche. Il s'en calisse. Il sort, qu'est-ce que. Lui, dans le fond, il va juste pour les voyages sur la route, là. L'hôtel, les buffets. Se taper des petites prostituées sur la route. Là, t'es comme en train de dire que Dan Lacroix se tape des prostituées sur la route. Là. J'ai pas nommé de nom, moi. OK. C'est pas ça que tu voulais dire. Ben. Alors, est-ce qu'on va à l'entraque tout de suite ou on embarque ces matchs? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va à l'entraque. Avant l'entraque, petite nouvelle un peu comme ça de gossip et de faits divers. La blonde de Markov cette semaine a supprimé son compte Instagram. Oh! Sous les suggestions de son général, entre gros guillemets. Chris, elle est croche. C'est une salope. Fait que là, il y a comme des rumeurs qui disent que c'est. Chris, ben, c'est justement, c'est peut-être le Canadien Montréal qui aurait dit à Markov, dis donc à ta blonde d'arrêter de mettre des photos sexy puis de comme. Tu sais, keep it down low un peu, là, parce que. Check bien leur image. Ah, mettais-tu des photos sexy dans son compte? Ouais, ben des fois, c'était bien parce plaisant. Que des fois. Ben, j'ai vu ouais. Non, mais photos, mais j'ai c'est pas. C'est surtout qu'elle montrait la genre de vie de high roller, de comme être tout le temps avec un verre de champagne partout, puis des Ferrari, puis des places huppées. Puis on dirait qu'ils veulent pas mettre cette image-là, le Canadien. Ils veulent pas genre du Evander Kane dans leur team. Là. Qu'est-ce qu'il y a, Evander Kane? J'ai pas suivi ça. Ouais, ben, Evander Kane, lui, c'est comme un assez show-off. Là. Lui, c'est parce que lui, à un moment donné, il y a des photos de lui, genre, là, qui fait comme s'il parlait au fond, genre, avec une pile de billets. Tu sais, genre de. C'est le Jean-Pascal du hockey. Ouais, exact, c'est ça. Oh, genre, tabarnak. It's payday, là. Puis là, genre, il va prendre toute la photo, genre, son cash, là, quasiment. On là, devrait puis... faire un podcast à la Jazette pour parler de Jean-Pascal. Mais, tu sais, on va se. On l'invite. Ah, ouais, il y a juste ça à faire. Il se bat pas le calice d'épais. Hey, on prend, ouais, c'est ça, mais il prend tout une calice de voler. Ah, c'est pas grave. Clair. On le ben, si on se met à la gang. Ah, peut-être. Je pense qu'une calice de voler à la gang, pas mal. Jean-Pascal, on te lance un défi. Fait que sur ça, on va aller faire un entracte et puis on va revenir pour la deuxième période. Alors, pendant que Martin se bourre la face de chocolat, on est de retour pour la deuxième période. Allez, boys. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là. Le timing était bon. On va s'ouvrir une petite bière de circonstance. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, on, Dave. On a ici, parce que tu sais, on cherche toujours un commanditaire. On a ici la. Attends un peu. Les brasseurs du temps, c'est la scie trouillarde double. Comme on peut voir à l'écran ici, dans la caméra secondaire sur Mart. On la voit très bien. Mais en fait, on dit qu'on cherche toujours un commanditaire, mais on contacte pas personne. On fait juste le dire pendant le show, puis c'est sûr qu'ils nous écoutent pas. Ouais, mais ils devraient ouais, mais ça, c'est ben trop classe pour nous autres. On cherche aussi des écouteurs. Ben oui, vous pouvez nous commander des écouteurs si vous voulez. Là, on en a, mais... Des auditeurs. Ouais, alors là, comme on est présentement à l'Halloween, et Martin se bourre de bonbons et Dave nous ouvre une petite bière à la citrouille. Et on va commencer la deuxième période sur ça. Alors, on va faire le tour des matchs qu'il y a eu entre les deux podcasts. Match numéro 6 contre l'Avalanche, une victoire de 3-2 du Canadien. Ouais, le roi Patrick qui est en visite, et voilà. Et voilà, puis il a pas grand-chose à dire sur ce match-là. On a gagné. Il n'y a pas un gros start non plus. Là, hein? Non, encore une fois, là, ben, comme on dit tantôt, le Canadien qui débute mal ses matchs. Mais il y a du beat. Il y a du beat. Ils débutent, mais ils ont du beat. Ils finissent toujours par remonter et revenir. Oui. Y a-tu quoi à dire vraiment sur ce match-là? Sinon, je vais passer à autre chose directement. Là. Ça y est passé d'extraordinaire. Non, c'était une belle victoire. Là. Est-ce qu'on a remonté? Peut-être, je m'en rappelle plus. Là, ben, c'était ce que j'allais dire, je m'en rappelle plus. Alors voilà, check! Match numéro... On a gagné? 3-2. C'était une bonne game. Voilà. Ben, match numéro 7 contre Détroit. Une victoire de 2-1 en prolongation. Une bonne game. Ouais, ça, on les a volés, me semble, ce match-là, je me souviens bien. Non? Ben, en fait, pour ce match-là, c'est là que Sekache a été laissé de côté. Il est mieux de comprendre. Alors, mais ça, c'est la game qu'il y a eu le but refusé, le plus beau de l'histoire des buts refusés, celui de Datsyuk, qui a fait une feinte. Ah ouais, ça se dit que c'était malade. Il a déculotté tout le monde. Puis le but est refusé parce que son joueur, il a rentré dans la prime. Il a comme fait un spinorama, puis il a fini par shotter du revers. Ça a été top corner. Ouais, c'était de toute beauté, mais man, ouais, c'était refusé. C'était le plus beau but refusé des buts refusés. Là. Donc, ouais. C'est catcher. Benché pour rentrer Dale Weiss dans l'alignement. Bon, mauvais choix. Manque d'expérience. Moi, je le veux, Dale Weiss, là. Pour Day-Louise, bon mais choix. Mais est-ce que c'est cash? Pour Bowen, calice. C'est ça l'affaire. Là. Est-ce que c'est cash mérite d'être sur le banc encore présentement? Est-ce que Bonnival mériterait pas de commencer une game bientôt? Là? Il n'y a pas joué de la saison. Moi, Bonnival, moi dans les games, justement, là, on s'en vient à ça. Là. Les games dans l'Ouest, là. 3 games en 4 soirs. Ouais. Je pense que là-dedans, là, tu peux embarquer c'est cash puis ou Bonnival ou les deux. Là. Parce ben que j'ai hâte d'avoir Bonnival, moi. Là. Ouais, moi aussi, là, il est temps qu'il joue, là, lui-là. Toast-toi, les boys. Bonne Saint-Valentin. Bonne Halloween, tout le monde. Bon, il est déjà rendu à se mettre, lui. Je pense rien qu'à ça pendant le show. C'est pas mauvais. C'est un petit goût marbré. C'est bon. Je viens de manger un sac de framboise. Ça goûte les gens, les muffins aux épices. Ça, ce que tu dis là, Dave, là, c'est tellement vrai. Tabarnak, ça goûte zéro à citrouille. Ben, il m'a dit que c'était bien balancé, les gars. Ben, c'est balancé, Nasty. C'est bien balancé pour moi, ben, j'aime pas ça, citrouille. Oh, alors, voilà. Alors, ça aurait été dit. OK, ben, également dans ce match-là, Tom Gilbert a été le... Il y a des Snickers. Bon, là, ça je m'en voulais l'enlever, votre pot de bonbons, là. Bon, ben, Tom, je vais le dire en français, Tom Gilbert a été le joueur le plus utilisé avec 25 minutes 27, un tir et un différentiel de plus 1 sur cette game-là. Pas grand-chose à reprocher sur cette game-là, je pense. Là. Les deux avec la gueule pleine de sneakers, là, let's go. Là. Sur cette game-là, tu sais, comme un dans une parenthèse grosse. Là. Mais moi, ce que je trouve là, bien, c'est que... Qu'est-ce que je te dis? Alors, c'est après ce match-là aussi que Bourque a dit qu'il était insatisfait de son début de saison. Ouais. Nous autres aussi, René, on est pas mal insatisfait de ton début de saison. Ouais. Il est lucide en esti, au moins. Il est tout courant. Ah, c'est bon, ça. Fait que, bon, ben, c'est pas mal ce qu'il a à dire sur ce match-là aussi. Sa mère a déjà appelé pour lui dire. Va aller vite. Non, mais j'ai d'autres affaires qui sont en deuxième période. On serait encore dans la première avec mes sujets présentement. Là. OK, c'est bon. Bon, match numéro 8 contre les Rangers. On a une belle victoire 3-1. On pensait que les Rangers allaient nous planter. Ben, on a eu notre revanche, je pense. Ah, c'est quoi? Moi, je m'étais dit, les Rangers affrontent des Canadiens qui n'ont pas affronté pendant les playoffs. Ouais. Là, je me disais comme, OK, là, on voit c'est quoi que les Rangers ils ont comme profondeur. Fait que dans le fond, tu dis exactement le même commentaire quand t'as passé sur le match Canadien Lightning, qu'on a perdu 7-1. Que ça serait ce qu'on aurait dû voir en playoff si le Lightning avait été en santé. Non, ça, je pense pas que c'est... Non, non, parce que ça, c'était pas un bon indicateur, ce match-là. Perdre 7-1, c'est pas, tu sais... C'est jamais... honnêtement, le match contre les Rangers, ça marchait pas. C'était une bonne game, mais il m'a un peu déçu parce que j'aurais aimé que ça brasse un peu plus. Ah, mais les Rangers, ça brasse pas tant que ça. Non, les Rangers, c'est une équipe Montréal un peu plate. Et Montréal non plus, tu sais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais ça, c'est une équipe un peu comme Montréal, les Rangers, pour vrai. C'est-tu la dernière année qu'on trouve à Saint-Louis? Un bon goaler, des bons joueurs défensifs, des bons joueurs à l'attaque, mais tu sais, c'est comme... Ouais, pas, peut-être un peu. C'est des équipes qui sont un peu comme... Tu sais, parce que Montréal, on peut pas dire que c'est l'équipe la plus excitante là, sur glace, là, tu sais. Ben, cette année, c'est mieux, là. Ils sont pas excitants, mais ils sont le fun à regarder jouer parce qu'ils lâchent pas. jamais. Là, ils se donnent plus. Tu sais, c'est... Ils sont pas excitants au niveau du gameplay, mais ils sont excitants au niveau de l'intensité qu'ils donnent et les remontées qu'ils font. Puis à ce niveau-là, dans le fond. Là, mais... Mm-hmm. Mais la game contre New York, c'était une bonne game. C'était quand même correct. Ouais. C'était cool parce que nous autres, veux pas, il s'est bâti une genre de rivalité. Je trouve, pendant les playoffs l'année passée, avec l'affaire qui est arrivée, la Steve Kreider, man. Ouais, c'est ouais, ça que j'avais ouais. aimé. C'est, un beau check de, je sais pas, Taylor Emlyn. Ou Emlyn, Steve sur Kreider. Bourque à limite, là, un check. Là, non, comme... ben, au pire que Bourque, genre, rentre dans le goaler, puis le wall, là, blesse Lundqvist. Ah, ça aurait été incroyable, ça. Là, on ne commande pas à violence, ici. Non, là. Hein? Mais juste... un peu de violence. On aime ça quand que ça fesse. On en reparlera tantôt en troisième sur le cas de John Scott. Là. Bon. Parce qu'ils font parler à chaque chose en l'air. Est-ce qu'il est prêt à se calmer une heure, lui-là, là, John Scott. Là. Correct, je change pas, John. Bon, fait que après ça, ben, on est parti dans un voyage palpitant dans l'Ouest. Ah, c'est-tu que j'ai essayé, voyage dans l'Ouest? Ben, d'ailleurs, voyage qu'on... Ce voyage-là, là, qu'on a... en plus, je pense que c'est le pire. Qu'on appréhende toujours. Ça, comme... là, j'ai ça, les teams, Asti, man, là, de l'Ouest, là, Edmonton... Vancouver, Calgary. Asti, j'aime pas ces games-là. Contre Edmonton, on perd tout le temps. Ouais. On soque solide contre une équipe. Puis la game était plate. La game était plate, Asti. Ah, le Canadien, mais le pire, c'est que. Contre Calgary, le Canadien était pas. Ouais, puis les deux games, là, le Canadien était pas dedans. Là. Bon, ben justement, on va en parler parce qu'on est rendu le voyage dans l'Ouest. Les là. Oilers, là. Tout le monde, je trouvais ça drôle parce que tu regardais ses réseaux sociaux, puis ses forums, puis whatever, là. Ah, mais le Canadien a joué une belle game. Attends un peu, là. C'est pas parce que le Canadien a tiré plus puis a eu des chances, quelques chances de marquer qui ont bien joué. Là, tu parles du match numéro 9 contre les Oilers qu'on a perdu 3-0. Ouais. Que d'ailleurs, c'est l'indiscipline du Canadien qui nous a coulé, là, cette game-là. C'était terrible. Il y avait des pénalités aux deux minutes quasiment. Ouais. Là. Calmez-vous les nerfs, bâtard, là. Ouais. Mais d'ailleurs, par rapport au voyage dans l'Ouest, faisons notre mini-chronique tweet de journaliste. Cette semaine, on s'attarde au cas de François Gagnon, qu'on adore ici à la soirée du podcast, qui a dit... il a dit Tokarski devant... T'étais invité à la soirée du podcast. Oh non, ben oui, d'ailleurs, on a acheté des comme des gens de Blacklight, fait que les dents jaunes, ça paraît pas trop à l'écran là, avec ces lumières-là. Alors voilà, François Gagnon qui a dit, il a tweeté... Tokarski devant le filet à Edmonton. Price devra toutefois se racheter dans l'Ouest 0-5. 22 buts contre 85,7% d'efficacité. C'est parce que là, Price a de quoi se faire pardonner. Non, là, pas... Oh, mais ça, c'est... Ça, c'est Gagnon. Asti qui m'énerve, François Gagnon. Moi, je trouve que ça, c'est du journaliste facile. Il m'énerve sur Twitter, Gagnon. Puis pourquoi il faut tant qu'il tweet en mettant le mot Simonac dans son tweet? Il est vraiment fatigant, là. C'est comme sa marque de commerce. C'est comme son sa signature. Son patois, là. C'est souvent ça, Simonac? Tout le temps. Ah ouais. Comme, oh, on a benché Sekak, Simonac, il est bon. C'est comme, ta gueule, Caliste, t'es un journaliste, là. Ouais, mais c'est ça, c'est. C'est ce qui m'énerve. Je trouve que, en tout cas, c'est du journaliste facile. Mais ben, tu sais, c'est comme on dit souvent, les journalistes de hockey se cherchent de quoi à dire. Il va chercher des stats, il regarde. Ah, oh, il faudrait que Price se rachète dans l'Ouest. Écoute, là, je veux dire, Price, il faudrait qu'il se rachète dans l'Ouest. Tu sais, si l'équipe en avant de toi joue pas, je veux dire, les stats peuvent dire. N'importe quoi. Tu peux faire dire aux stats à peu près n'importe quoi là, si tu checkes. Mais ça Price n'a pas à se racheter pour rien dans l'Ouest. Là. Price a-tu à se racheter? Point. On est une nouvelle saison de toute façon. Je pense que c'est ça. Pourquoi? Ah, faut que Price se rachète pour les autres games de là 3 ans. T'sais, ça va donner quoi? En plus, ils seront pas meilleurs là 3 ans. Il est 0-5 dans l'Ouest. Il a pas dit il est 0-80. Là. Il est 0-5. Il a joué 5 games. Là. Calme-toi. Là, ben, sortez-moi ça. Rappelez à l'air. Ouais, ben, c'est sûr. c'est juste pour s'attirer comme du monde qui va lire son papier son après, Twitter. Là, whatever. Puis qui va le. Je sais pas. C'est un de ceux qui commente. Gagnon, c'est de façon, c'est pas un fan de Montréal. C'est pas. C'est un fan d'Ottawa, là, Gagnon. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire. Je me cherche pas comme des fans de Montréal à lire non plus les articles. Vraiment pas. Moi, t'es poli parce qu'il y a la gueule plein de bonbons. Ah, je sais, man. J'ai mangé trop de Rockets. C'est correct. Là, quand tu manges du Rocket, tu fais comme le Rocket, tu déménages, puis tu scores 5 buts le soir, hostie. Ah, les fantômes du forum! Fait que match numéro 10 contre les Flames de Calgary, une victoire de 2-1 en tir de barrage. D'ailleurs, victoire qui nous a été donnée par PA Parente. Contre les communistes! Ouais, mais ça, là, cette game-là, ça a joué du hockey. Là, ouais, ça, même, ça c'était là, bon là, à écouter. Ça le fun. Patinait, puis ça... Ça pétinait, ça donnait des mises en échec, ça... J'aimerais juste qu'on fasse un petit aparté par rapport à cette game-là. RDS ont décidé de diffuser la game sur RDS 2. Ouais, pis c'est quoi la petite polémique avec ça? On s'en calisse? Ben, c'est parce que c'est la première fois, je pense, qu'ils diffusent une game du Canadien à un autre poste que leur poste principal d'RDS. Ouais, mais c'est leur poste principal pareil, RDS 2. Ben, c'est un deuxième poste secondaire que t'es obligé de prendre si tu l'as pas, RDS 2. Là, faut que tu... Ah, ok, ouais, il y a du monde qui l'ont pas dans leur un forfait. Un peu comme ouais, TVA Sport. Genre, si t'as comme le forfait franco. Ah, ça, ils ont préféré. Non, mais sais-tu qu'est-ce qui est crosseur? Non. C'est Caster, là. Je sais. Si t'en prends un. Faut que tu prennes les deux. T'es obligé. Je sais, avant de me rendre... Il compte pour deux postes. Avant de me rendre compte... Fait que là, c'est avec Vidéotron, faut que tu prennes un 20 postes sur mesure, dans le fond. À Star, oui, le 15 postes, c'est Vidéotron, là, tu prends TVA Sport, là. Faut que tu prennes TVA Sport 2. TVA Sport 2. Mais moi, je l'ai pris TVA Sport avant que TVA Sport 2 soit en ligne, en onde. Fait que j'ai TVA Sport tout seul. Mais si je veux changer mon forfait, c'est sûr que ça chie. Comme moi, là. Parce que, il faut que tu prennes TVA Sport 2. Comme moi, j'avais un... Mais là, t'as pas une affaire à la carte, toi? Mm-hmm. Ben, c'est ça. Tu switches un channel que tu checkes jamais, genre le Food Channel. Non, mais je checkerai pas plus. J'ai pas Food Channel, mais je checkerai pas plus TVA Sport 2. Ah, si tu t'as Food Channel, tu non, nous j'ai, dis pas. J'ai, c'est quoi ton poste plate? Mon poste plate? Dis-moi, là, c'est quoi ton asti de poste? Ouais, le poste que j'écoute jamais, Canal V, j'écoute jamais. Bon, ok, ça. C'est bon. C'est ça, là, tu switches. PBS. Non, PBS, c'est cool. Des asti de bons documentaires, PBS. C'est vrai. Non, mais Dave a raison. En tout cas. Avoir su que Sportsnet diffusait toutes les games du Canadien, j'aurais jamais changé mon forfait. Puis il a fallu que moi j'avais un poste 15 à la carte, puis ça n'existe plus ce forfait-là, 15. Faut que tu prennes 20 à cette heure. Non, il a fallu que je prenne. Non, mais j'ai changé, je me suis dit, on va prendre TVA Sport. Oh non, faut que tu prennes TVA Sport 2. Fait que, puis là, j'ai pris TVA Sport 2. Oh non, faut que tu prennes RDS 2 vu que tu as RDS. Fait que là, je me suis comme fourré de 4 postes. Puis il a fallu que je monte de forfait à 20 postes. C'est de la marnaque. C'est quoi que t'avais de 5 postes si important que ça à prendre? J'avais 15 postes, puis ils sont tous utilisés ces postes-là. Des émissions à chaque poste. Ah oh, ouais, ok. On en parlera dans un autre podcast. Là, parfait, c'est bon. Podcast okay. De télévision québécoise et américaine. Là. Un podcast qu'on se calisse. Voilà! Un podcast mythique. La bière rentre parce que je débarque déjà. Voilà. Puis dernier match, ben, le match d'hier, match numéro 11 contre les Canucks. Match qui a été diffusé à 10h, heure de l'Est. Je n'ai pas écouté ce match. Je n'ai pas écouté, j'ai vu les replays. J'ai écouté ce match. Dave, t'arrêtes de faire notre belle citrouille je du Canadien qui est en background. Les deux citrouilles là, ici, là, jusqu'à genre 1h15 du matin. Là. Fait que défaite en prolongation, 3-2. Lars Seller était supposé être laissé de côté. Finalement, il a joué. Est-ce que c'est dans ce segment-là qu'on parle du beau check de Burroughs sur Emlyn? Exactement dans ce segment-là, Dave. Eh bien, je dois dire que ce salopard devrait être suspendu. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez du check de Burroughs sur Emlyn? C'est un check à la tête, là. Je m'excuse. C'est mais un late check. Ben, c'est surtout qu'il n'y a même plus le puck. Il a passé le puck. Il n'y a plus là, le puck. C'est droit à la tête. Il a le coude haut. Puis je m'excuse. Ben, mais le but aurait dû être refusé. Puis ça aurait dû être une suspension. Puis là, je parle d'ailleurs, pas en tant que fucking fan du Canadien. Mais non, mais vendu, en plus, c'est de la merde, là. Burroughs a eu un meeting, puis il y a eu 3 matchs de suspension aujourd'hui, là. OK, bon. Il l'a eu finalement? Ouais. Fait qu'il n'y a pas eu de pénalité là-dessus. Ils ont fait un but par rapport à ça. Quand on aurait dû avoir un 2 minimalement, au moins un 5 selon moi pour ça. Ça influence la game quand même, là. Mais si parce tu donnes que un, quand il y a un gars si à terre, il laisse un 5, aller c'est parce play, que là, tu donnes pareil, une inconduite de partie après la plupart du temps. Parce que si tu donnes un 5, c'est une pénalité majeure. Fait que après ça, tu donnes un 10, une conduite de partie, tu sors le gars. Puis là, ça va automatiquement avec une suspension. Bon, Burroughs, en entrevue après, a dit qu'il était bien content que Emlyn revienne puis qu'il soit pas blessé sérieusement. Blablabla. Bon, bla, la cassette ça, des joueurs, puis blablabla. Les joueurs font de la politique. C'est la politique de joueurs. Exactement. Là, c'est normal. Donc, là, il dit ça de la même affaire. Ah, je voulais pas faire ça. Je pense fait quoi, que je voulais parler. Non, mais le pire, c'est que je le crois que c'est pas leur objectif principal. Mais Chris, en même temps. Non, mais temps, le hockey, ça va vite des fois. Tu le sais pas nécessairement ça, ce que tu vas comme, faire. Il y a eu l'autre mise en échec de John Moore aussi avec les Rangers qui a été frappé. Peut-être que tu en parles. Je l'ai tantôt dans la troisième période. On en reparlera qui a frappé Eric Ola. Ouais. Il reviendra. Fait que moi, pour cette game-là contre les Canucks, Eller a joué 5 minutes, je pense. Il y a eu un tir et une mise en échec. Bourque, plus utilisé qu'Eller. 5 minutes. Hey, Eller, Bourque, 0 tir, 0 mise en échec. C'est ça, je te disais. Fait que Eller, ils l'ont descendu sur le quatrième trio. Ok, il a mais joué là, dans cette game-là, justement, c'est ça que je voulais dire tantôt. Ils ont fait des. Terrien a fait des changements de trio. Mm-hmm. Puis là, je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, Jeff, qu'est-ce qu'il s'est dit, Terrien? Terrien, il s'est dit ceci. Il est mieux de comprendre. C'est ça qu'il s'est dit. Mais t'as peu, son temps de glace, t'as dit, c'était combien? 5 minutes 40, je pense, à l'heure. Ça, il a joué sur le quatrième trio. Parce que dans ce game-là, il a mis Weeze avec Pacioretty puis Desharnais à un moment donné. Puis avant de faire ça, il a mis Galchenyuk avec Gallagher. Puis si je me trompe pas, c'était Parento, mais là, c'est flou parce que j'ai comme profité là, pour que c'est ces trios un puis, peu. Puis là. C'est ce trio-là qui a compté le premier but. Puis, avec Galchenyuk puis Gallagher. Ça a marché. Puis après ça, il a mis Weez avec Pacioretty puis Desharnais pour faire un allumeur. Puis ça a marché. Ils ont égalisé Sparkle. Le point. Sparkle. Ils ont égalisé 2-2. Ils ont perdu en en powerplay avec une pénalité de Gilbert de marde. Ouais, c'est ça, hein. On repart sur Gilbert, man. Je m'enrage. Ça, c'est en prolongation, ça. Prolongation, puis ils ont compté à genre. C'est les Sedin qui ont fait un jeu de. Daniel Sedin a fait un hostie de feinte. Il a shafté tout le monde. Ah, oublie ça. Il a déculotté tout le monde. Puis, genre, ils ont compté à 5 secondes du powerplay. Il restait 5 secondes dans le powerplay, je veux dire. Mais ça, c'est les Sedin à leur plein potentiel. Là. Ce but-là, spécialement. Là, mais les Sedin, toute beauté. Ils jouent avec. C'est quoi son nom, là? Ils sont allés chercher cette année, là. Bon, là, j'ai un blanc, là, mais depuis que ce gars-là est là, puis que le nouvel entraîneur avec les Canucks est là, tabarnak, man, les Sedin sont revenus à un niveau bien gros supérieur. Ouais, tu sais, ils font plus de points cette année que j'aurais même pensé qu'ils en feraient. Tu sais bien, ils vont choquer en playoff pareil. Ah, oui. Comme toujours, là. Non, mais ça saison régulière, ils vont monter à 80 quelques points. Là. Ah, peut-être, ça se peut. Ouais, c'est ça. Donc, ils vont refaire comme dans leur meilleure saison, d'après moi. Là. Donc, les Poolers, quand vous ferez votre échange du mois de novembre, considérez peut-être les Sedin. On vous dit ça comme ben ça. Ben, moi, justement, je les ai pas considérés, les Sedin, parce que chaque année, ça baisse. Man. Il y en a un qui score tout à plus que l'autre, là, c'est Henrik, je pense. T'es sûr, je pense. C'est pas Daniel, non? Ou Daniel, ça. Ben, mais il y en a un qui est plus passeur que l'autre, là. C'est un des deux, là. Mais ça peut... Ouais, tu peux pas te tromper. Hey, c'est 50-50 là-dessus, le Mart, là. Il n'y en a pas trois. Fait que, ben, ça fait le tour du voyage dans l'Ouest. Ça fait le tour des matchs qu'on a eu entre les deux podcasts. 3 points sur 6 pour notre voyage dans l'Ouest, qui est quand même bon. Bien. Ben, la moitié des points, ça. Pour un voyage qui est jamais payant, quasiment à chaque année, là. Donc, présentement, après 11 matchs, le Canadien est toujours premier dans la Ligue, ce qui est incroyable, je trouve. Je pense 17 points, c'est ça? 17 points devant les Ducks. Au podcast numéro 2, on n'arrêtait pas de dire « Ah, c'est juste 5 games », mais Chris, après 6 games de plus, on est encore premier. Ben là, on a un meilleur échantillonnage, mais je dirais qu'on va avoir une bonne idée à peu près. 10 matchs, c'est comme un bon début, puis après ça, tu t'en vas à 20 games. Puis là, tu as un échantillonnage beaucoup plus ici, je pense. Ouais. Puis encore là, ça peut tout changer. 10 games, tu peux être chanceux. Là, il y a un facteur. 10 games, tu peux être chanceux, mais c'est quand même un bon échantillonnage parce que tu sais, c'est 8 blocs de 10 games à peu près une saison. Là, ouais. Quand tu checkes ça de même. Il y a quand même un bon facteur à considérer, c'est qu'on a été chanceux jusqu'à présent sur les blessures. On n'a pas de gros blessés. Ah, là, c'est ça. Tu pognes une coupe de blessures, puis voilà, mon gars, ta saison est peut-être compromis, puis tu peux te retrouver dans la cave. Là, oui, ou peut-être que ça ferait monter des jeunes, puis peut-être qu'on serait encore meilleur avec des jeunes. Genre, tu te blesses une coupe de joueurs, puis la seule équipe que tu peux battre, c'est les Sables. Puis avec leur capitaine, t'es bas même pas, là. Hein? Puis là, t'es bas même pas. Puis là, t'es bas même pas. Puis là, tu dis, calisse, on est dans la merde. Puis là, on fait des podcasts, on fait juste chialer sur le Canadien, hey, les blessures, puis let's go, là. Là, on chiale sur le Canadien, mais positivement. Ben non, mais faut faire ça. Ben, on fait comme des bons gérants d'estrade, on cherche les petites bébites qui restent à chercher. Ben, faut bien, sinon, on n'aurait pas de choix. On creuse dans le troisième, quatrième trio. On cherche les poux. Ben, moi, là, c'est gage comme mon peigne à poux. Mon peigne à poux. Bon, ben la période se termine en 30 secondes. Ouais, déjà. Tir au net. Ah ouais, slap! Ah ouais, shoot! Shoot, Carbo, shoot! Non, mais avant de conclure, c'est pas juste laisser la cloche sonner avant que je passe mon extra audio pour pas que ça embarque par-dessus l'extra audio. Fait que de même, je fais du temps, je parle, je dis des niaiseries, puis je fais du temps dans le vide. Là, ça sonne genre. Ben, il reste comme une couple de secondes avant que ça sonne. Fait que, ben, prends. Mais dis quelque chose de real pendant ce temps-là. Je vais vous dire que ma bière, la citrouille, est super bonne en ce moment. Mange une roquette, fais quelque chose. Je vais faire ça pendant l'entraque. Mais avant d'aller en entraque, je propose qu'on écoute. Il y a eu pendant que Martin va renverser son micro en mangeant des Rockets. Un micro. Il y a toujours des genres de pas des conférences là, mais des entrevues après match avec les joueurs. Puis il y a eu une entrevue cette semaine avec Markov qui parlait de Tom Gilbert et de sa chimie avec Tom Gilbert. Et puis j'ai l'entrevue intégrale. Je propose qu'on écoute parce que c'est très drôle et très malaisant à la fois parce que Markov sue puis se gratte la tête puis c'est pas trop quoi dire. Alors on écoute ça. What can you tell us about your partner and how things are evolving with the chemistry with him? Dans le fond, ils vendent comment va la chimie entre les deux. Là. Not sure. It's a process. Yeah, it's a process. You know, like we'll think we'll still having like you know like what? Try to understand each other. Yeah, you know, it. Like so. But il respire fort de la gorge. Ça, comme t'as rien. T'as rien quand il parle, il fait un grand. Ah, il respire comme de la gorge, là. Mais tout ce qu'il dit, là, c'est comme. Ben, en fait, ouais, en fait on dirait qu'il est en train de chier, mais il dit rien pendant tout. Il est en train de couler un bronze. Puis il y a du monde qui ont dit ah, Markov, l'anglais. Ah non, là, ça, c'est pas l'anglais. Là. Il est malaisé parce que c'est. Ouais, fuck mais sérieusement, dire, là. Il laisse le journaliste mettre les réponses en bouche comme, tu sais, comme it's a process. It's a process. And, you know, mais tu l'as coupé avant la fin. Non, c'était la fin, ça. Ah ouais? Parce qu'après ça, il fait juste dire je passe à une autre question, puis c'est tout. Là. Non, c'est le journaliste. L'intervieweur dit ok, mais c'est correct. À une autre question. C'est ça, ouais, mais c'était comme la fin, ça, pareil, parce que. Mais moi, c'est ça, je voulais dire. La fin, c'est l'interview. C'est l'intervieweur qui fait comme bagarre, on passe à autre chose. On passe à d'autres choses, on va te poser d'autres questions. Puis il fait comme, ouais. OK, là, moi, je me demande, là, dans le fond, là, c'est comme c'est Markov, il patch pour deux gars, OK? Il patch pour les conneries de Gilbert qui est pas capable de patcher sa glace. Fait que lui, il faut qu'il compense, OK? Fait que là, il se dit comme, OK, là, dans le fond, tu dis, genre, Markov, il s'entend-tu bien avec ce gars-là? Il a-tu une bonne relation? Tu sais, quand un défenseur dit ça au journaliste, tu dis, tabarnak. Il bague pas pour 500 Non, mais c'est ça l'affaire. Il reste un affaire. Là. Avec sa marde, puis il fait comme. Gaffe, moi, là. Il reste un affaire, c'est Gilbert, là. Il est plus 4. Puis il en fait des niaiseries, là. Fait que ouais, ça veut dire que Markov. Ça veut dire que Markov le bac pas à peu près, là. Ouais, c'est ça. Parce que Chris, avec la quantité de niaiseries que ce gars-là fait, je peux pas croire qu'il est plus 4, man. Mais généralement, dans les entrevues, même en tant que joueur, t'es supposé backer tes coéquipiers, mais là, Markov le laisse tomber complètement. Exact, mais je suis en train de me demander, moi, tu sais, Markov, il a quand même plus de points que Bourque. Non, mais tu sais, je suis en train de me demander, genre, là, il laisse-tu tomber de même pour mieux se couvrir lui, dans le fond, en voulant dire comme, gars, man, tu sais, moi, j'ai pas de contrôle sur lui, puis tu sais, si, moi aussi, si je laisse un but passer, c'est parce qu'il faut que je travaille pour deux, puis tu sais... Ouais, mais la question que le journaliste s'y pose, c'est comment va ta chimie avec Tom Gilbert? Ah, ça en dit long, ça doit ça être... Il est pas capable de rien dire, là, de positif ça veut dire ou que, rien, c'est point, ça. Là. Il y en a pas de chimie. Ouais, mais en même temps, Markov, c'est pas le gars le plus... volubile. Non, mais tu sais, il aurait quand même pu dire « Ah, on se travaille ça », puis mais il a été capable de rien dire. Ouais, mais en même temps, Markov, c'est pas un gage de... Non, mais pour le... Tu peux pas te fier à ce qu'il va dire. C'est pas le meilleur baromètre là, pour évaluer. C'est sûr, mais son entrevue en dit long quand même, mais malgré qu'il lui dit rien pendant tout. Là, ça en dit quand même long sur Gilbert. D'après moi, lui, il doit être pas loin aussi de faire comme Voinov puis Colson voler à sa femme. On parle de Markov ouais, ou je Gilbert? Sais voler à sa femme. Hey, lâche Instagram, maudit guédaille. Là, ouais, pis, t'as une salope. Un peu de vodka puis une claque à la gueule, là, bien placée. T'es invité à la soirée du podcast. Qui c'est la blonde à Markov? Ben oui. Ah ouais, c'est certainement. Mais, certainement. Tu sais, Mart, le GF est comme tout émoustillé. J'ai comme des petits brillants dans les yeux. Après là. Une bière et demie. Là. Oui. Oui, t'es invité certainement. En train de shiner les onion rings. Oui. Là, t'entends juste un son de zipper comme zip. Là, je vais faire un luchish de moi-même après ça. Et puis ouais, voilà. Tu vas te branler de la droite. Ah oui, oui, oui. Alors, ah, sur ça... c'est droitier. Ah, sur ça, on va aller. Essaye avec la main gauche. On dirait que c'est une autre personne. C'est juste comme ça. Ah, bienvenue à Sex Conseil. Alors, sur ça, on va aller faire la deuxième entrée. Oui, vous êtes bien à la soirée du podcast. Et on vous revient pour la troisième période. On est de retour pour la troisième période. Une belle entrée en matière ici, comme ça, parce que vous savez, on a beaucoup de sujets sur la table présentement. Le menu est très chargé. Même pour la troisième. Je te dirais que même il y a plus de fils et de consoles que de sujets. Des affaires qu'on dit à chaque podcast. Bon, ben. Ah petit. Des bonbons. Des bonbons. Ah ouais, les enfants, venez-vous-en. Mark est sur le bord de faire un dégât. Ouais, Mark est sur le bord de faire une overdose de sucre. Je pense que c'est chaud encore pour faire un dégât. Sérieusement, je. Mais je ne suis pas drunk. Contrairement aux autres podcasts habituellement, je vais crissement bien pour vrai. Alors, statistique intéressante ici, mais. Mais non, pas chaud. Bois. Qu'est-ce qu'on boit, Dave, en ce moment, ouais, présentement? On boit de la Castor. On boit une petite Castor, saison. 2012-2013. Session Houblon, une India Pale Ale, mais légère. Session Houblon. Session Houblon, ouais, c'est quoi cette petite marque-là? Là, tu parles. De cette sorte-là, là. En tout cas, pendant qu'on. Session Houblon. Ah, regarde la bouteille. Pendant qu'on parle de bière, moi, je vais vous sortir une petite statistique intéressante. David Desharnais, le petit Darnais. Le petit Darnais, ouais. Il y a 5 pieds 8, est-ce qu'il faut gagner dessus? Le petit Darnais n'a été sur la patinoire que pour un seul but de l'adversaire cette saison à force égale. Quand même. Ben, félicitations. Est-ce que Denis Coderre le renverrait encore aux mineurs? Je ne croirais pas. Bon, Dave, tu pourrais peut-être tweeter à Denis Coderre pour lui demander. Moi, je dis que... Hey, puis toi, le gros Coderre! Avec une voix de même, mais moi, en tweet. Moi, j'ai fait un excellent travail dans tous les sens de la glace. Ah oui? J'ai rien à reprocher à Desharnais pour ouvrir sa date. Non, là, ben non, mais ça va bien. Il alimente Paturity comme un mongol, là. Il est correct, là. Pas de trouble, là. Ouais. Ben pas comme un mongol. Pas comme un mongol. Là. Tu sais, là, le mot mongol, t'es un petit peu large, là. Comme, ouais, j'étais. Mais. Hey, Mart, on peut dire que t'es allé non, fort. Non, mais sérieusement. T'es allé fort, t'es allé Mart, fort. À comparé de l'année passée, là. Ben oui. Ça va bien. Ça va bien. Dave Kendo, c'est bonbon. Hey, les gars, avant d'aller plus loin, je vais vous lire une petite citation de Galchenyuk. Ça vous intéresse? Ben oui, oui, on t'écoute. Alors, Galchenyuk qui a dit « Ce n'est pas bon pour moi d'entamer un match en étant trop confiant ou de penser que je vais pouvoir réussir mes jeux facilement. Je veux jouer avec émotion, avec passion et continuer de pousser. Ça m'a motivé tout l'été de penser que j'arrivais à ma troisième saison et qu'il était temps que j'atteigne à un niveau supérieur. » Ben, ça paraît. Ben, moi, j'ai envie de dire « Lâche pas, mon grand. » Continue comme ça, mon Galchenyuk. Ouais, non, mais pour vrai, oui, ça paraît. Il est mature, mais tu sais, il se fait donner le temps de glace qui mérite, là. Ouais, ouais, ben vraiment. Mais ils l'ont bien managé. Sérieusement, ils l'ont bien managé. Ils l'ont gardé, tu sais, je veux dire, avec Terrien, tout ça. Les deux pieds sur terre. C'est correct. Ouais, mais je pense qu'au fond de lui, Galchenyuk et tout, tu vois que c'est un bon kid. C'est pas le genre de gars, là, à aller non, comme s'énerver comme un hostie de fatigue. C'est pas lui, là, qui a pogné un ticket cet été, là, ou je mais sais oui, pas trop, mais... là, en char, parce qu'il roulait vite, puis il a appelé un Russe, puis il est venu l'aider. Il a appelé un Russe? Il a appelé un Russe. Son avocat, un avocat russe. Il a pogné un accident, il allait trop vite, il est rentré dans je sais pas quoi, ah, il a appelé ouais. quelqu'un, il ben, ça aurait été une ballonne, là, sûrement, là. Moi, peut-être que lui, il aurait pété la balle. Ouais, mais c'est ça. Il s'est démardé, puis... en tout cas, de toute façon, il a l'âge qu'il a, là. Puis c'est normal, là. Faut qu'il ça, Mart, ce que tu dis, là. Toi, Mart, tu parles en crise, là. Tu l'âge que t'as. Moi, je vais dire, là, Galchenyuk, là, il y a une affaire que je peux dire, c'est lui. Puis il y a une affaire qui est sûre. Veux-tu de l'écho là-dessus? Ou? C'est que Galchenyuk, il a l'âge qu'il a. Est-ce qu'ils aient fait son cheap aujourd'hui? Bon, hey. Il y a quand on est trop qu'on peut se permettre de la marde de même. Puis, ouais, parlant de marde, laissez-moi vous parler un peu de Le Baron à RDS. C'est lui, fature. Hey, la momoute, là. C'est ça que t'appelles un segway, là. C'est extrêmement un segway qui nous amène vers un autre sujet. C'est dégueulasse, là. Hey, non, mais lui il a une momoute, là. Oh. Faut qu'on va régler ça, là. C'est une momoute, là. Ben, tabarnak, là. S'il n'y a pas de momoute, il met du Gration Formula, là. Pas son... Mais non, mais Digression Formula, c'est juste la couleur. Là. Il y a comme trop de volume. Non, lui, il se met du Formula One. Il y a genre, beaucoup trop de la 35. Comme tout, c'est de la 35-40 qui se met. Ah non, c'est l'Empire and Wig en nasty, lui-là. Là. Mais cette semaine, j'écoutais RDS. Il y a du pet collé. Puis RDS, Le Baron était comme le modérateur d'une question. Puis je trouvais la question intéressante. Est-ce que la fiche du CH est trompeuse depuis le début de la saison? Moi, je trouve que c'est sa chevelure qui est trompeuse. Ah, ben moi aussi, là, c'est sûr que ça aide pas. Là. Oh! C'est quoi son vrai nom, Baron? J'en sens calice. C'est ça qui est trompeur, moi, je pense. Le Baron Chantelois, voilà. Ouais, Alain Chantelois. Alain Chantelois, ouais. Mais on sent calice pareil. Ah, c'est un calice d'Alain Chantelois. C'est trompeur. Je veux quand même savoir si, selon vous, la fiche du CH est trompeuse à date. Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que c'est 10 games. À chaque podcast. Là. Mais non, mais tabarnak! À l'épisode 2, on a dit, ben là, c'est juste 5 games. Puis là, épisode 3, ben là, c'est juste 11 games. Non, mais je l'ai dit tantôt, 10 games, c'est un pas pire échantillonnage. Mais qu'on arrive à 20 games, tu sais. Ouais, c'est 20-25 games, ça prend. Faut au moins que tu aies un quart de saison. Là. Mais un quart de saison, c'est 20 games. Puis t'es visité à peu près. Mais es-tu trompeur le début de saison? Oui. Puis en même temps, je pense que tu peux dire non parce que ces games-là, c'est des games peut-être qu'à la fin de l'année vont être payantes parce que justement, ouais, le Canadien, à un moment donné, va peut-être avoir un ralentissement. Va avoir un ralentissement. Ouais, puis ça dépend des blessures. Fait que ces games-là, Check Price, ces games-là vont nous aider. Sors si, Price mettons, du line-up, là. T'es fini, hostie, là. Tokarski. Ben, t'as, OK, oui, t'as Tokarski, mais ouais, je ben, dis... pense pas qu'il peut nous goaler une saison complète. Mais non, tout de suite, là, ça va être l'enfer. Tu sais, admettons, là, que... Admettons. Ben, l'enfer, c'est une là, là, c'est parce que là, là... Et oui dire. L'aspect blessure, là, nous frappe pas, là, dans 10 games. Il y a des équipes qui ont déjà été visitées par la faucheuse, la blessure. Non, mais tu sais, je veux dire, il y a des genre teams... Chris Kreider. Il y a des teams différents qui ont déjà été... qui ont déjà été, tu sais, comme fauchés par les blessures solides. Là, nous autres, c'est pas notre cas. Ça va bien, ça roule bien. 10 games, c'est pas gros. 20 games, on va avoir fait à peu près tout le tour des équipes. On va voir comment ça marche. T'as l'air d'être parti sur un B, toi, là. 10 games, c'est pas gros. 20 games, on va voir. Ben, j'essaie de faire des phrases qui ont du sens. Dans le fond, là, je me focus. En tout cas, puis en bout de ligne, tu dis pas grand-chose. Ben, c'est ça, t'sais, dans le fond, moi, je pack, là. Pour vrai, là, parce que avant de parler de ça, je m'étais dit, je vais y aller avec des petits objectifs, à court terme, là. Ouais, c'est ça. Mais comme Dave disait... Tranquillement, pas vite, juste en patchant même, Chris, ça me du temps. Ouais, mais là, ça paraît pas, mais tu passes 5 minutes. C'est quand même, sérieusement, c'est quand même des points en banque qu'on a, là, le début de saison. T'es un bon joueur, le quatrième trio, toi. Ouais, ben, sérieusement, là, pour vrai, tu regardes ça aller, là, tu sais, tranquillement, pas vite, tu sais, on gagne un match. Un après l'autre, une victoire, par une victoire, puis let's go. Tu dis du vent, man. Fait que le baron, est-ce que c'est ben, trompeur? Le baron, sérieusement, tu sais. Le baron, dire, il est très trompeur. D'après ouais, moi. Lui, oui, là. Le baron trompe sa femme. Oui, c'est ah, pis gars, je vois même pas comment il pourrait faire ça. Je vais conclure ça, direct là. Je n'aurais qu'un seul commentaire à passer à Alain, le baron Chantelois. Qui mange de la calice de merde, c'est qui a chier, qui mange de la merde, qui mange de la merde, qui a chier. C'est invité à la soirée du podcast. Ah, Chris, non. Juste lui, mais pas sa momoute, par exemple. Ouais, viens sur ta momoute. Malheureusement, on les a jamais vus les deux séparés. Même Patrick donc. Normand, il l'a droppé, sa momoute. Non, il a pas droppé sa momoute. Il a le bandana. Il a droppé son bandana. Là, non, non, mais là, Patrick Normand n'a plus son bandana. Non, mais il n'a plus, là. Mais avant il avait juste pas de cheveux, mais il y avait un bandana pour cacher. Mais le fait parce que c'était vraiment une momoute qu'il y avait, Patrick Normand. Mais oui, mais c'était évident. Là. Il avoir... Je pense qu'il y a une momoute depuis que l'âge de 20 ans. C'est un look qui s'est fait imposer d'ailleurs, ça. Puis sur ça, on n'a pas le droit de parler de Patrick Normand. Ça n'a vraiment aucun rapport avec le podcast. Ok, présentement, ce qu'on dit. Là. Mais c'est parce que t'en as parlé toi aussi. Et sur ça, on va aller faire le tour de la NHL. Around the NHL. Gros crise de cabotinage. Du cabotinage! They can't do that! Du gros gabotinage. Dallas Stelly number 10, 2 minutes broken. Ah, du gabotinage comme ça. Alors, faisons le tour de la Ligue nationale, messieurs. Parle-moi Gaboric. Gaboric, pas de suite. Victor Hedman du Lightning, blessé à la main pour 4 à 6 semaines. Dans l'épisode 2, on a dit que Hedman avait débloqué. Malheureusement, il vient de se rebloquer pour un 4 à 6 semaines. Là. Oui, ça peut faire mal au Lightning, mais je pense qu'ils ont quand même de la profondeur. Moi, ça se dépend. Ah, parce que... Hey, parlant de ça, là, c'était à la main? Ouais, à la main. Avez-vous vu? Tout le monde a gagné plein de bonbons, là. Pas toi. Non, j'en prends une petite gorgée de bière, moi, là-dessus. Avez-vous vu la blessure de Torrey Krug? Un doigt. Le doigt? Non, c'est pas ça. Il n'y avait plus rien à partir ah, oui, de vu l'image jusqu'à l'ongle, là. C'était tout décollé, c'était comme tout arraché. Là. Dégueulasse, ça, aussi. Tout le doigt, là, le bout du doigt au complet. C'est passé. Un coup de bâton, je pense. Chris. Elle est croche. Il a comme eu un silence. Chris. Ouais, mais OK, ben Victor Hedman blessé. Alors, est-ce que ça va impacter la saison du Lightning? C'est à voir. Bon. C'était quand même dans leur top. Ben, je pense que ça va leur faire mal, mais en même temps, ils ont de la profondeur. Là. Oui. Ben, à Def, je sais pas si on a de la profondeur, de la qualité de Hedman tant que ça, mais... Non, je pense qu'on va quand même un peu de profondeur. Ben, ça relance à belle attaque, là, Hedman. Là, ça fait combien de games qu'il n'est pas là? Ça doit faire 3-4 games, j'ai l'impression. Ah, il y a j'ai tellement de defense, anyway, qu'on s'en calisse. Ouais, sens. C'est ça. Ça va, au pays, s'ils n'ont pas de profondeur en defense, ils vont compenser en offense. Un peu ce que le Canadien fait présentement. On va voir comment il fonctionne. T'aimes pas son troisième présentement dans la Ligue. Ouais, puis Martin avait dit que t'aimes pas, t'es très dangereux cette année, puis on le voit encore. Troisième position, ils sont quand même à ne pas négliger. Le Lightning. Là, tout. Ils ont tout aussi. Ils ont le goaler, ils ont l'offense, ils ont la def. Ben, la def, Sandman, c'est d'autres choses, hein, mais... Fait qu'ils ont rien. C'est fini. Le Lightning, ils vont finir dans la case, année. Capri, voilà, c'est fini. Aussi, Charge mon fusil d'épaule. Prochain sujet, passons du Lightning aux Kings. Parlons de Slava Voynov. Tu vas vraiment du coq à l'âne. Ouais, puis je veux qu'on parle de violence conjugale parce que c'est le fun de parler de ça. Slava Voynov, suspendu indéfiniment après avoir été arrêté pour une affaire de violence conjugale. Ouais, mais ça le méritait. Ça le méritait? Il y a comme un blanc présentement, là. Pendant que Martin, il lance des berries, je sais pas quoi, là. Mard, il se crosse la berry ou je sais pas trop, là. Slava Voynov, là, pas vrai, là. Là, il y a eu des affaires, il disait, je pense que c'est parce que ma femme, puis moi, on parle pas bien anglais, puis en tout cas, là, il a été suspendu indéfiniment par la Ligue, puis par les Kings. Alors, ouais, parce qu'il y a comme. Ouais, mais on n'est pas au courant de tous les détails, là. Ouais, mais vous trouvez pas. Elle l'a peut-être cherché. Vous trouvez pas présentement qu'il y a beaucoup d'histoires de violence conjugale, pas juste dans la Ligue nationale, dans le sport en général, dans la NFL. Ça passe avec la NFL, là. Le gars qui a gelé sa femme dans un ascenseur, ah, NFL, ça, tabarnak, man. Malade, man, Ray Rice. Chris, il gèle puis il traîne en dehors de l'ascenseur. Ça, Rice, là, t'as-tu vu la vidéo? Ah, je l'ai vu, c'est épouvantable. T'as-tu vu, toi? Ben oui. Shot sa gueule, là. Hey, man, un coup point à coucher, genre. Hey, Jean-Pascal, t'in. T'es fait à la soirée, tu prends. Ben ouais, est-ce que les sportifs sont des violents? C'est ce qu'on veut savoir. Oh! Check. Parce que vous embarquez pas dans mes sujets, là, on passe à autre chose. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que là... Je sais pas quoi dire, mais c'est parce que Ray Rice... Non, mais c'est parce qu'on a pas le temps, Ray Rice, aussi, il drive sa femme, mais en plus de ça, elle va se péter à la face, ça aborde dans l'ascenseur, genre pour se tenir la main, là, tu sais, là. Hey, man, il sort de l'ascenseur en la traînant, là, puis elle est comme... Out, là. Out cold, c'est comme un cadavre, là. Ah, c'est un poids mort, là. Elle doit ronfler tellement elle est knockée, là. Si à ce point-là. Elle est au point neutre. Et voilà! Et ça nous amène à notre prochain sujet. Oui! Ah, tu vois, on a mis un peu de temps dans la... Je pense que t'en as parlé, Dave, tantôt, le rappel de Jonathan Drouin par le Lightning. Ouais. Ah, excuse, tantôt, t'as parlé de ça. Va Voynov. C'est justement ça. Bon, OK, parfait. Mais Voynov, excuse, c'est parce que je mangeais comme des t'es Snickers. T'es trop sur un de sucre, toi, là. Je sais. Je mangeais des Snickers, des Sussons, des Rockets. Hein, de c'est Free for All, c'est bonbons, ici, là. Ah, c'est comme un buffet chinois, mais de bonbons. On va être malade à soir, venant chez nous. Mais Slava Voynov, là. Ouais. Sa femme, là. Ouais. Nasty, j'ai un blanc. Alors, sur ça, le rappel de Jonathan Drouin par le Lightning. On revient au Lightning. Non, hey, t'as peu. J'ai quelque chose à dire. Tu reviens sur Slava, là. Avant d'en revenir sur Drouin, avez-vous entendu l'affaire de Vanek? Vanek. Ouais, il a été pris dans une histoire de blanchiment d'argent. Ouais, mais là, c'est ça. Là, apparemment, une fois. Son nom ressortirait. Ouais. C'est comme quoi que lui, il aurait encaissé un chèque de 230 000 piastres. Mais il me semble que c'est une affaire de même que j'ai lu, là. J'ai checké ça bien rapide. Tabarnak. Par rapport à quoi? Ben. Au blanchiment d'argent, mais comme quoi que lui, il aurait encaissé un chèque. Là. Mais ça, c'est du gambling illégal, dans le fond. Ben oui, il dirait ça. Il y avait eu des rumeurs aussi de ça pendant qu'il était avec le CH l'année passée. Ouais, mais qui datait peut-être déjà. Tu sais. C'est ça. Fait que, en tout cas, je pense pas que c'est arrivé avec le CH. Mais il y a une rumeur sur ce gars-là depuis genre long. Mais au début, son nom avait sorti comme étant quelqu'un qui était, tu sais, qui témoignait dans une cause, qui était juste comme un témoin. Mais là, finalement, on se rend compte que son nom revient. Peut-être plus impliqué. Peut-être que M. Esti s'est mis les doigts dans l'engrenage. Dans ceci. Le nez dans l'enfer du mal. Ah ouais. Merci Jean Perron. Voilà, ça nous prenait Jean Perron. Ça nous amène à vous poser la question. Pensez-vous que Vanek a musé contre le Canadien en playoff l'année passée? T'es pas capable hein, de dire. Non, ça marche pas. Jusqu'à la fin, là. Non, c'était tellement ridicule ce que je disais là. Ça marchait pas. Moi, je dis que oui. Oh, des grosses accusations. C'est un tabarnak. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que voulez-vous parler de Drouin ou on passe par-dessus? Ben, qu'est-ce que tu veux dire, Drouin? Ben, il a été rappelé, là. Ben, il a été rappelé, puis il a un but de part, je pense. Il est dans mon pool. Il roule pas pire. Ouais, il va être correct. Ce gars-là, il va remplir le net, là, éventuellement. Là. C'est, ben, pas c'est un talentueux, là. Même je te dirais que c'est un talent naturel. Je dirais même plus. Oui. Un talent que... Naturel. Naturel. Ça nous amène à notre prochain. Puis je pense qu'il est tellement fort que je dirais juste que c'est comme c'est un talent. Point. Puis je rajouterais rien d'autre après. Tu sais, c'est comme c'est encore plus strong. J'irais même jusqu'à dire Jonathan Drouin. OK, hey, sur ça, on va. Prochain sujet, Milan Lucic. Un peu. Je veux qu'on en parle. OK. Tu avais dit quoi, Mart, ou tu m'interromps ou c'est... Bon, j'aurais juste dire... Il a juste dit t'as peur. J'aurais juste dire, genre, juste avant qu'on finisse, j'aurais juste dire Drew. Mr. D. De Drew. OK, c'est bon, vas-y. Milan Lucic s'excuse. S'excuse. Ben, c'est correct, ça amoindre des choses. S'excuse de s'être branlé dans le public. Il s'est excusé, mais c'est un peu de la merde. Puis tu crois-tu? Non. Là, c'est... Ben non, non mais c'est déjà pas, un pas. Là. C'était déjà un pas qui s'excuse pour maintenant de ce gars-là. C'est un pas pour se faire dire, genre, regarde, Lucic, il faudrait que tu t'excuses. Ah ouais, pourquoi? Parce que tu peux pas aller jusque là. Tu peux pas te branler devant les fans de Montréal. Je vais m'excuser. Il s'est excusé en disant que... Pour moi, ça vaut un gros zéro. Ben, gars, moi, sérieusement, dans le fond, c'est quoi? Ça me dérange pas tant que ça parce que je me dis, ça joue juste contre lui et son équipe. Ah, ça. Oui. Faire des affaires de même. Mais moi, je pense qu'il est allé overboard, man. C'est du. Ouais, mais overboard pour son équipe. Tu sais, c'est comme, ah, oh, j'ai tué ma femme. Ah, je m'excuse. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, t'excuser, défends pas tout ce que tu fais, là. Ouais. Ouais, mais là, ça sort un peu, là, Dave. Là, t'es extrême là, avec la balle. Ben oui, mais je sais, je te donne un exemple, genre vraiment extrême, mais en voulant dire que t'excuser, défends pas tout ce que tu fais. Là. Moi, je suis bien content. Plus il en fait de même, là, parfait. Ouais, mais ça, plus ça n'ajoute à leur liste de route à eux ça, autres. Ça, je suis d'accord. Je dis juste que s'excuser. Ben, ça n'est pas, on le sait que s'excuser, ça défend pas tout. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un temps. Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ce style, là, qui aille blower chaque joueur des Canadiens? Non, non. Là? Oui. Bon, mais c'est un manjou de baluste, là. Non, mais c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, ce tu peux pas. Tu sais, Chris, il peut pas faire mère et monde, lui, là. monsieur, je lance des livres contre l'intimidation. Là. Ah, c'est ça. Ouais. Faites ce que je dis, mais parce que je sais que c'est la bullshit. Là. Ben, c'est ça. Ça, c'est comme faire des travaux communautaires. Travaux communautaires. Bon, pendant que l'alcool embarque, prochain point. Mike, puis encore. Ben, il y a le mode des travaux communautaires. Travaux communautaires. Justement, pendant qu'on est sur le cas de l'alcool, Mike Ribeiro a avoué cette semaine qu'il prenait toujours une bière après les matchs. C'était une bière entre grosses parenthèses. Là. En fond, il se saoulait à elle après chaque game, Ribeiro. Ben, Chris Guy Lafleur a fait sa carrière là même. Ouais, mais Guy Lafleur, il fumait un paquet de clubs sur le banc. Ça, hey, tout le monde fumait un paquet de clopes. Mais par contre, c'est dans le temps, il fumait quand il était à l'hôpital. Sur le cas de Ribeiro, cette saison, il s'est calmé, il a changé complètement ses habitudes de vie. Il est tout sage à Nashville avec sa femme, ses enfants, loin des bars et des distractions. Ça produit-tu son affaire? Non, je pense pas. Tu vois mieux que. Ah, mais Ribeiro, c'est un gars qui ramasse tout le temps son lot de points. Ah ouais, mais il est régulier. Mais il est un bon passeur. C'est Ribeiro. C'est une aubaine en même temps cette année. Je pense qu'il fait genre 1 million. C'est un mercenaire. Ok, alors parlant justement de mercenaire, on passe au point. On voit qu'on veut pas parler de Ribeiro. Non, parce qu'on veut parler de John fucking Scott. Ah, je pensais que tu voulais parler de John fucking Lynn. Non, ça c'est June, puis on n'en parlera pas. Ouais, ok. John Scott qui sort du banc des pénalités pour aller se battre. Mark, as-tu un commentaire à faire là-dessus? Deux matchs de suspension pour ben, ce, moi, ce pour geste. Moi, ça c'est. Hey, t'as peur, je vais parler de ça à la Don Cherry. Ben, John Scott a fait ce qu'il fallait faire, puis il fallait qu'il sorte du banc, puis que bon. Hey, non, Mark, sérieux, tu peux pas croire que c'était bon ça. Ben non. C'est John Scott. C'est ah non, mais c'est vraiment ça a plus sa place. C'est n'importe quoi. Bon, décolle. Ils sont offusqués par quelqu'un qui sort du bas. Bon, astigant, quand c'est Lucic qui se crosse devant le monde, ça, ça passe, mais. Ça passe, mais. Ben, je suis bien content qu'il se crosse devant le monde, mais si on veut un show, asti. Chave-toi le gros. Je veux du hockey. Chave-toi le gros. Je veux du hockey. Je veux pas un asti de gros goût, une poche qui sait rien faire d'autre que sauter ouais, sur le ouais, mais s'il a fait ça, Dave, là, il l'a pas fait pour rien. Il y avait une raison de le faire. Ah, il y avait une raison de le faire. Puis lui, parles, là. Tu parles, puis ça, c'est sent le calice. C'est un enforcer. Hey, c'est sa job. Tu parles, ça sent le fond des goûts, asti. Est-ce que John Scott méritait deux matchs de suspension pour ce geste? Il méritait plus, man. Ouais. Ben, ils ont donné qu'est-ce que ça coûte quand tu sors du banc des joueurs. Deux matchs. Ben, il est sorti du banc des joueurs légalement. Illégalement. Légalement. Ah, légalement. Il y a eu un changement en même temps. Il a changé pour aller se battre, pardon. Il a sauté direct sur la glace pour aller pogner le gars. Gars, il fait sa job, le gars. C'est la seule affaire qu'il est capable de faire. Moi, je pense qu'il n'y a plus sa place pour ce genre de joueur-là. Bon, chance, ce joueur. Ben, à un moment donné, il va disparaître. C'est sûr, il n'y aura plus de job. Par défaut, ça va s'éliminer de ça. Parce que t'en as plus dans les autres. Voilà, puis de John Scott, on passe à un autre John. On va parler de John Moore qui a ramassé Eric Ola. Moi, John Scott, je t'aime. T'as pas ton collier de Dan John Scott encore, là? Mais non. Fais-toi avec des roquettes. Ben non, tu peux pas gaspiller des bonnes roquettes. Faut que tu manges ça, ces roquettes-là. Faut pas que ça se gaspille, voyons. C'est comme les colliers. Arrêtez de chier, John Scott. C'est comme les colliers que t'achètes, un genre d'élastique, puis tu manges le bonbon. Écoute, Mart, j'aimerais ça pas en parler de John Scott. Jamais. Mais Chris, fais-toi des niaiseries avant chaque podcast. Fait que... ah, c'est ça, job, faire des niaiseries. Ah, mais là, Sti, c'est une ligue sérieuse, c'est une ligue de clown. Ah, mais tabarnak, qui allait faire un cabaret club, Sti. Hey, c'est moi, paye John Scott qui fait ça. Qu'un joueur de football qui slogue sa femme, ça gueule. Oui, effectivement, là. Bon. On n'est pas au football, puis on n'est crissement pas au baseball non plus. This is not fucking baseball! Ah, mais il y a slug peut-être sa femme, ça aille, mais ça, tu le sais pas. Ouais. Fait qu'est-ce que vous pensez de John Moore qui a ramassé? Slug avec son chef. Un bon coup de bite. Cock slap dans le front. Qu'est-ce que vous pensez de John Moore qui a ramassé Eric Ola cette semaine? Ben, ça, c'est. Il y a eu un. Ben, là, il a tourné le dos, là, au tosti, là. Ouais, ah, mais c'était quand même dirt, là. Non, non. Oui, il a tourné le dos, mais... Ouais, mais l'autre s'est placé dans une hostie de position vulnérable. Moi, là, sérieusement, là, je donnerais là, un match de suspension à celui là qui se tourne le dos. Ah non, ouais, même mais non, là. Ouais, ouais. Sérieusement, là, te mets dans une position de même, t'es cave, puis tu cours après. T'es cave. Je connais ça pour le sérieux pendant qu'il mangeait Rocket, là. Il a levé à la tête. T'es zéro crédible, man. Hey, man. T'es zéro sérieusement, crédible. Là. Ouais. OK, le joueur là, qui est sur le bord de la tête. C'est quelle couleur tu manges, là? Le joueur qui est sur le bord de la bande a levé à la tête, a vu que le joueur s'enlevait. Au lieu d'absorber, comme de se préparer à recevoir peut-être une mise en échec solide avec une bonne swing, il décide de se revirer de bord puis se mettre face à la bande. Protège la rondelle? Mais non, Dave. Bon, OK, on va dire que... Non, il s'est mis d'une astuce de position vulnérable. Non, non, mais... Le gars, puis non, mais de toute façon, JF, là, tu entends-tu que le joueur qui s'est fait plaquer, c'est Ola? Eric Ola. Ola, ouais. Ola! Ben, tu sais, il a joué à la comédie, là. Ouais, embellishment, là. Embellishment. Ben, il s'est mis d'une position vulnérable. OK, OK. Voilà. Alors, bon, prochain sujet. Il ne me reste pas grand-chose, là, vu qu'on est comme déjà dans l'overtime. Une légende cette semaine, Gordy Howe, qui a fait une attaque cardiaque à 86 ans. Prompt rétablissement, Gordy. Avez-vous vu la photo de Gordy Howe, genre des années, je sais pas, 60, comment que ce gars-là est shapé, qu'a le tabarnak? Mais non. Hey, c'était peurant, là, pour ces années-là, là, de voir sa shape, là, sérieusement, c'est... On va essayer de la mettre sur mais le Facebook. Mais tu le vois en bedaine? Tu le vois en bedaine, ouais, il est assis comme, tu sais, genre à une table dehors, tu sais, à un moment donné, sur... Peut-être, je sais pas, en vacances. Dans barbecue, un barbecue, des kids. T'as des hosties de trapèze, mon gars. Des hosties de pipes. Sérieusement, là, c'est comme Schwarzenegger, man, hostie, là, quasiment, là. It's non, mais j'exagère, là, mais il est fucking cut, l'hostie, là, qui est beef en Chris, là. Oh, oui, vraiment, là. Ouais. Hey, fait que monsieur hockey, là... Ça, meurt, là, je t'astinerai pas là-dessus. Non, mais t'as le monde dans le jeu, moi, mange tes roquettes. Puis, ben. Ah, c'est tellement bon. Dernier point avant d'aller faire les tirs de barrage des questions des fans. Quelque chose qui va faire plaisir à Mark, je pense. Daniel Brière, laissé de côté par Patrick Roy contre les Islanders. Ah ouais. Pas surpris. Non, ah, ouais. Check. Avez-vous quoi dire par rapport à ça, monsieur Tintilénol, Casper est pas sur la glace. Et... Ben. Tel un fantôme. Non, pas surpris. C'est... Il est fini. Il est fatigué. Il est fatigué. Bon, ben voilà. Alors, ben, allons faire rapidement les tirs de barrage. Donc, les questions des fans. Dans le fond, là, il est fatigué. Il peut aller faire un petit dodo, là. Ah, c'est-tu que c'est bon, les Rockets, man? Enlève ça de là, je vais capoter. OK, j'ai de quoi qui... Non, c'est juste de regarder mes notes. Là, il y a quelque chose qui me manque. En tout cas, quelqu'un nous demandait ce qu'on pensait du travail des arbitres. Puis justement, cette semaine, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un but refusé contre Brandon Holtby. Qui s'est enfargé lui-même dans ses patins. Ouais. Tabarnak, là! Ah, c'était ça, là. Ben, mauvais call des refs. Oui, puis ça nous amène à nous... Moi, j'ai vu live, en plus. Ah ouais? Puis j'étais comme... Pas sûr si j'avais bien vu. Genre, j'étais comme, attends, qui l'a enfargé? Ben, Holtby revient dans l'air de son net, puis il s'enfarge. C'est son skate. Il a pogné une craque dans la glace. Ben, ça nous ramène à... Il a pogné la ligne du net, là. Ça ramène à nous poser la question, est-ce que les coachs devraient pas avoir un flag, comme au coup de base, de lancer un drapeau pour dire, ben là, un mouchoir, quelque chose. Un. Pour contester les décisions de l'arbitre qui sont douteuses. Un, par match. Juste un. Tu les en donnes un. Ouais. Un flag. Bon, on est tous Moi, je le ferais. Moi aussi. Ouais. Pour ce genre de décision-là, parce que bien précise. Plus ça va, contester, genre. Puis plus ça va, plus les refs ont une influence sur la game, les décisions. Puis on s'entend-tu que toutes les games sont regardées par la Ligue nationale? Ouais, mais ça, c'est là... pas ça qui va prendre du temps, là. Non, vraiment. C'est pas d'aller voir à Toronto qui va. Oi, oi, non. Non. Oh, non. Non, c'est pas ça. Ce qui va être plus long, là, mort là-dedans, là, c'est quoi? C'est de sortir le flag. Le lancer sur la patinoire. C'est que, ouais, c'est ça. C'est le coach qui fait comme. Hey, il faut aller chercher mon flag. Hey, non, mais, hey, non, mais il devrait faire un concept. Là, sors ton mouchoir de ton veston, genre. Petite mouche de. Ouais, t'as rien pour le faire avec ces petits genre de mouchoirs roses là, dans ses vestons. C'est bon, ça. C'est cool, là, il va contester et il va dire je ne suis pas d'accord. Non, là, il va parler de la gorge. Il va parler de la gorge. Et là, il va faire il va sortir puis il va faire quand. Il respire de la gorge. Là, il va lancer son flag à l'arbitre et il va y dire. Il est mieux de comprendre. Ouais, c'est ça, c'est comme une bonne puff avant. Il est mieux de comprendre. Celui qui faisait la meilleure imitation de Terrien, c'était Pierre Brassard. Là. Il l'avait vraiment bien à son show à la ville, il faisait vraiment les sons de gorge. Alors, Ah, il est l'enfer, Terrien, là. C'est comme c'est dégueulasse un peu, il est vraiment là, comme. Ben moi, ça m'endort. Lui, il est toujours à bout dans ses conférences de presse, tout le temps. Là, c'est épouvantable. Là. En rafale. Moi, le bon vin m'endort, toi, c'était rien. Tu sais. Hey, ça, Dave, là, c'est bon. Là. Hein? Du vin? Oui, mais ton commentaire aussi. Là. Ah, je sais. OK, alors allons-y. Je mets le... la caméra secondaire sur Dave. J'en ai déjà une. On est vraiment filmé en masse. Zoom-in, alors, pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est-à-dire personne, vous pouvez voir la caméra sur David présentement. On va avoir des dislikes là, sur YouTube. Ouais, ça, c'est pas le fun. Faites pas ça. Là, ouais, c'est ça. OK, rapidement. Donnez-nous on va finir le podcast là, avec les quelques iTunes. Sujets qui nous restent en titre de barrage. Il y a Mathieu Gélina sur Twitter qui veut savoir pourquoi Sekatch ne joue pas alors qu'il est un de ceux avec le plus de skills. Mais des incapables comme Moen, Book et Heller jouent toujours. Sekak, point de vue skills, est dans le top de l'équipe. C'est ridicule de le bencher. Ben moi, sérieusement, j'aimerais ça répondre tout de suite. Vas-y, c'est Mathieu Gélina. Mathieu Gélina, écoute, j'aimerais bien ça. J'aimerais ça te dire, mais je sais pas quoi dire. Il a tout à fait raison. Ben moi, j'aimerais ça dire, écoute Mathieu. Moi, j'ai dit qu'on allait trouver une raison, puis finalement, je suis pas sûr qu'on va en trouver une nécessairement. Là. Moi, je vais dire, écoute Mathieu. Mathieu? Terrien, il a la main heureuse. Ben, c'est parce que c'est dur de contredire l'équipe parce que l'équipe gagne présentement. Fait des bonnes décisions. Non, mais je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit dans le sens que. T'as du monde qui joue comme la merde. Moen joue comme la merde. Book joue pas bien. Heller est mauvais. Je peux pas croire que tu prends. Moi, ce que j'aime pas là-dedans, un peu, là. Ben, beaucoup. Un peu. Non, j'aime pas ça beaucoup. c'est que. T'as un gars comme. J'aimerais ça donner la chance à un joueur. T'sais, on peut pas dire qu'il a pu se prouver ce jeune-là. Là. Non, vraiment pas. Il arrive dans un jeu nord-américain. C'est un Européen qui a été habitué à jouer dans. C'est un neuro. Ouais. Il est neuro, le gars. Là. Il est neuro. Neuro, tout ce que tu veux. Neuropéen, neurochirurgien, toute la patente. Ouais, neuro, ouais, tout, ouais. Esti. C'est un neuro, OK? Puis. Oui, l'euro vaut cher. J'ai perdu mon train of thought. Ben, genre, on va. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve, puis le gars, c'est un neuro, OK? Puis ça, finalement, ça vient c'est pas quoi, c'est son temps d'adaptation, puis il n'est pas capable d'embarquer dans le moule. Ben, je pense juste que donne-y un peu de temps pour s'adapter au style américain. Ouais, mais s'adapter à quoi, tabarnak? S'adapter à quoi? Regarde, là, c'est qui joue à game. Mais moi, t'as le dire, moi. Moi, t'as le dire, s'adapter à quoi? Il l'a mis avec des astuces de chaudron. S'adapter à quoi, Mark? Hein, moi, t'as le dire, moi. Ouais, quoi? S'adapter au jeu. Ah, c'est pas fou, qu'est-ce que tu dis? Regarde d'en haut, tu vas le voir, le jeu, comment ça va vite. On dit les vraies affaires ici. Ben, regarde, sérieusement. Là, mais pour vrai, là pour vrai. De toute façon, là, Gélina, là, t'es tellement naïf. Là, Joël? Joël Gélina? Quoi? Non. Joël Gélina, là. Calva, OK. Bon, ben, il n'y a pas de raison. Rendez-nous ces catch puis benchez Moen. C'est tout ce que j'ai à dire. Là. Mais benchez Moen, benchez. Benchez Moen, benchez Esti. Bourque. Ma bière, ça. Benchez. Benchi... T'aboues pas. Ben, hey, chauffe-moi. Split là, man, Esti. On va en boire. OK, j'aurais juste. Benchez. Bon, ben, Mark déborde sa bière. Moi, j'aurais juste une chose à dire. Benchez Moen, benchez Bourque, benchez un joueur qui fait rien. Quand par rapport à Moen. Bois mort. Par rapport à Moen. Ça serait le fun qu'il arrive un petit accident à Moen. Mon gars, tu peux pas caler des affaires dans la main. Puis Mort, tu peux pas faire verser une bière avec autant de brou non plus. Alors, ben, gars, j'aime ça les coller, moi. Si. J'ai dit que anyway, j'en ai mon toi, premier affaire à plein canec. J'aime ça les coller roulés. Exactement. Hein. Prochain sujet. C'est un double. Procès. Le mien et tout. Des procès, au procès de. Alors, ce soir, non, le grand procès. Là, pour vrai, c'est une très bonne question, pour vrai. Au mais procès de John Lynn. On sait pas quoi faire avec ces gars-là. C'est ça jambe dans le coude, Carlis. Yeah. On veut bien Asti, là, mes gars, là. Prochaine question du public de Kevin Bergeron qui veut savoir... Ah, Asti, fio, je veux pas, c'est Kevin Parent. Le beau pétage de coche de John Scott, est-ce que ça change votre opinion sur lui? Ben moi, je dirais que non, c'est toujours un calice d'épée. Ben moi, j'ai jamais eu une très bonne opinion de John Scott. La question, ça s'adresse c'est plus pour Martin, je pense. Ça change pas mon opinion de John Scott. John Scott, c'est un gars qui il connaît un mode de hockey, c'est ça là. C'est un gars, c'est un des derniers qui reste des Mohicans. Puis, guys. Des Mohicans, c'est... il dit ça comme si c'était un honneur. Ben oui, c'est étonnant. Il sert à colisser des volets. C'est le Legion of Doom. Moi, le check mais wow. Ça. Cette année, là, t'as peu. Juste voir de quoi. Ah, mais c'est pas stats. Non. J'en regarde San Jose présentement. 7e dans la ligue, 14 points. Thornton marche, Marleau marche, tout marche à San Jose, OK? Quand ils vont arriver dans les séries, John Scott va-tu faire une différence? Il jouera pas. Il va faire rien. Puis qu'est-ce qui va se passer avec les Sharks? On se fait éliminer première ronde. Non, mais ça change rien, gars. John Scott. C'est justement, ça change rien. Je sais que ça change rien. Puis, gars, Parrose à Montréal, tout ça, change sacrément, là. Gars, ça n'a rien changé non plus. Je suis tout conscient de ça. John Scott, je vois rarement lancer des fleurs à John Scott, là, mais il est meilleur que Parrose, quand même. Ah, John Scott en haut de Parrose. Ah, mais tabarnak, moi, tu m'aurais donné le choix entre les deux, j'aurais pris John Scott et Parrose, là. C'est clair et net. Mais, gars, anyway. Ah, mais tu donnes le choix entre John Scott puis. Je sais pas, moi, tu me donnes le choix entre John Scott puis mettons, Prost, je prends Prost. Ouais, mais là, tu parles d'un Prost, c'est joué. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est ça, il sait jouer au hockey. J'aime mieux un joueur John qui Scott, sait jouer au hockey. John Scott, c'est un goon, asti. Puis moi, j'aime les goons, Chris. Ouais, mais ça fait rien, fait que, un goon. Ben oui, ça se bat, puis ça te fait un asti de V-White Championship, mon gars, là, quand il se punk contre asti. McGratton, à un moment donné. Là. McGratton. Regarde la lutte, regarde la boxe, man. T'as tout ce qu'il faut pour ça. J'aime ça dans le hockey. J'ai toujours été habitué à ça. J'ai toujours aimé Ty Domi. J'ai toujours aimé Robbery. J'ai toujours aimé Bob Probert. J'ai tout aimé. Dans tous le temps ces joueurs-là. Ty Domi, je m'excuse, mais Ty Domi était tout un joueur comparativement à ce que John... tout un joueur. Oui, comparativement à John Scott. Ouais, mais John Scott, il est démesurément grand. Mais démesurément mauvais aussi. Ben oui, je sais. Mais Domi, c'est un joueur de 4. Ouais, mais c'est un joueur de 4. Il n'y a pas plus de mais c'est tout un joueur si tu le compares à John Scott. Ben, il était benché. Hey, man, John Scott, là, ça, dans la même équipe, là, quoi, Ty Domi puis John Scott, Ty Domi, c'est la ligne 1. Ouais, mais j'aime les fights. Puis John Scott, pour moi, ah, mais c'est dis pas que j'aime pas une bonne fight. C'est dinosaure. Puis c'est comme quand tu regardais le UFC puis tu voyais Brock Lesnar qui était comme... fucking trop grand pour tout le monde, si. Mais John Scott, c'est la même affaire. Il est fucking trop grand pour tout Brock le monde. Brock Lesnar. Puis genre, ouais, tu le genre de gars qui te fait un Shooting Star Press. Ouais, j'allais dire ça justement. Tapez Brock Lesnar Shooting Star Press sur YouTube et allez voir Brock Lesnar tomber sur la tête. C'est très drôle. Vraiment, là, une partie de plaisir. Alors, prochain sujet de J.S. Chaplot. Qu'on salue, je l'ai croisé à l'événement Nintendo cette semaine. J.S. Chaplot, c'est lui qui a fait notre pool la soirée du podcast. Il nous demande vos surprises cette année, exemple les Prédateurs et puis vos déceptions. Surprise cette année, je vais te dire les Islanders qui performent en sacrament cette année. Mais ils ont perdu une coupe de plumes, les Islanders, récemment. Mais il y a quand même eu un début de saison assez fort. Ils ont été quand même chercher des joueurs. T'sais, on a cherché Boychuk. Ils ont commencé à se créer un peu de... Ben ouais, puis Alak fait quand même pas si mal que ça. Hein? Alak est pas mauvais, là. C'est ça. Mais il se crée une certaine identité, là, peut-être, là, puis de l'expérience, tout ça. C'est bon. Sinon, ils ont quand même John Tavares, on s'entend. Déception, les Sables. Non, c'est pas une déception. Ben, c'est prévisible. C'est prévisible, ouais. Je dirais déception. Avalanche. Ah oui. Avalanche, 100 000 à l'heure, là. Pour l'instant, là. Ouais, l'Avalanche. Non, mais on parle à genre 10-12 matchs là, à peu près. Là. Fait ouais, que, ça, ben... Présentement, l'Avalanche me déçoit beaucoup. Mais surprise aussi, je suis d'accord un peu avec ce qu'il dit. Nashville. Prédateur, ouais. Ouais, Nashville, sérieux, cette année, je les voyais pas performer autant. Puis Chris, ils me surprennent, pour vrai. Ils sont débarrassés de Monsieur Humpty Dumpty, là. Ouais, leur coach depuis 15 ans. Qui est rendu avec, les Capitals. Ouais, pas Bruce Boudreau. J'aime ça de son nom. Trotz. Barry Trotz. Ah oui, Monsieur Humpty Dumpty. Ouais, c'est Monsieur vrai. C'est celui qui n'a pas tout à fait raison. Mais non, c'est ça. Après ça, qui... ah, ben... je suis good bon. Calisse que c'était mauvais, ça, comme commentaire. J'ai vraiment un malaise et un doute sur ce que tu viens de me dire. Ouais, c'est dégueulasse. J'ai eu un rave. T'as rêvé à ça? Ouais. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Je pensais à un petit Humpty, je me suis dit qu'il goûtait bon, puis... Goûtait la chip barbecue. Mars, as-tu une préférence de cette déception pour la saison à date, ou on passe à un autre sujet? La déception, pour vrai, il y a une équipe qui va vraiment nulle part, là, c'est les Hurricanes. Ouais, mais t'sais... Les autres sont dégueulasses, là, mais là, ils sont vraiment dégueulasses comme... Over dégueulasse. Est-ce une déception? Est-ce une surprise? Pensais-tu qu'elle avait vraiment bien performé? Ou... Oh non, je pensais pas qu'elle avait bien performé. C'est juste une déception. Je regarde puis je suis comme. Déception, Dieu. Point. Ouais, je suis comme dégoûté. Bon, ben il me reste deux. Ben, ils ont zéro victoire présentement. Ta gueule. Ouais, non. C'est les pires teams de la ligue présentement. Ils ont aucune victoire en ce moment? Non, ouais, mais ils ont deux. Je pensais, tu sais, ils ont quand même des bons joueurs. Là, je veux dire, c'est ouais, pas. Même les Sabres ont plus de points qu'eux. Ouais, c'est ça. C'est fucké, là, eux autres. Là. Fait que c'était une équipe qui était capable d'avoir un certain, peut-être, potentiel, mais jamais aussi creux que ça. C'est dégueulasse, ça. C'est une honte. Alors, sérieusement, j'ai quasiment le goût d'arrêter de regarder. Non, j'ai pas le goût d'arrêter de regarder du hockey. Ça me fait décrocher, je m'en vais. Sûrement pas eux autres, en tout cas. Écoutez du roller derby, fuck that shit. Ouais, je vais écouter du... C'est genre le football de filles, là. Ah, la ligue, la ligue de lingerie, là. Ouais, j'écouterais plus le football de chiens là, qui mettent des entraques au Super Bowl, là. Football de chiens? Il y a des annonces avec des chiens qui jouent au football, là. Vous écouterez ça en anglais. Ouais. C'est pourri. Un peu comme les annonces de Fido, là. Je suis sûr les chiens qui se parlent. Je suis sûr que la ligue de lingerie, c'est meilleur. C'est clair. La ligue de lingerie, c'est... Deux. Dernière question. Si c'était concis, ça. Ouais, deux dernières questions. Question de un certain Jeff Mallette qui veut connaît pas. Qui veut savoir Jordan Eberle à Montréal, possibilité ou fiction? Fiction. Fucking fiction. Voilà, c'est fiction. Mon commentaire. Contre qui? Contre Emeline qui disait, lui, là, la rumeur de Eklund qui était de la merde, là. Et Eberle coûterait trop cher. Le seul point où je suis d'accord que. Pas nécessairement par rapport à Burley, c'est que... Oui, quoi? Hein? Oui. Plaît-il? Voulez-vous qu'on passe à autre sujet? Oui. Ou... Non, mais ce que je voulais dire, c'est la seule chose où je vois un lien, mettons, avec les Oilers, c'est oui. qu'ils cherchent, c'est sûr qu'ils cherchent de la défensive. Là. À eux autres, ouais. Ouais. Mais je veux dire, Burley, ben là, ça va coûter cher après Burley. Ben oui. Moi, ouais. Ça coûtera pas Emeline, là. Non, ça c'est sûr que non. Alors, la question a été répondue. La réponse est non. GF, puis j'aurais un autre nom, moi, pour Eklund. Ça serait plus comme Eklund. Eklund. Je pensais que c'est ça que tu avais dit au début, carrément. Fait que... Et la dernière question du public, Eklund. Qui nous vient de Maxime Ouimet, qui veut savoir, on fait quoi avec Salut, Gilbert? Maxime. On fait quoi avec Gilbert et Moen? Il dit, je sais déjà ce que vous allez répondre, mais je veux savoir ce que vous en pensez quand même. Ben, on en a parlé un peu dans le podcast, là. On est poigné qu'eux autres, Calis. C'est pas mal ça qu'on va faire avec. Ben, Moen et Gilbert, c'est sûr que... Quand l'équipe il signe un joueur de même, ils iront pas comme le trader tout de même parce qu'ils vont se faire mal paraître. Dans le cas de Moen, c'est parce que c'est pas tradable. Moen, il va finir son contrat puis ça va être ça. Il y a eu un mauvais contrat, man. Tabarnak. Ouais, mais c'est parce que je pense qu'ils ont donné un contrat en fonction de ce qu'ils amenaient comme spirit. Pas nécessairement sa glace, mais écoute, moi là, je suis vraiment un gars qui ça m'énerve les affaires de il est bon dans la chambre puis tout ça. Je pense qu'ils ont donné un contrat. Je pense à une importance d'être bon dans la chambre. Ouais. Sauf que. Chez vous, là. C'est ouais, ça l'importance d'être bon dans la chambre à coucher chez vous. C'est ouais, ça. C'est quand ça. Le seul qui a l'air d'être vraiment actif dans la chambre chez H, c'est Malhotra. Ouais. Bizarrement, là. Ah, et sa femme a dit qu'elle est vraiment comme elle a tout le temps sourire dans la face. Puis c'est pas à cause qu'il y a un œil qui vaut pas bien, qu'il sait pas où la mettre. Là. Un champion des mises en jeu quand même. Ah, ils ont déjà passé 4 matchs là cette année. J'étais quand même surpris de le voir pendant. Ok, à Squirt, là. Oh, il dit des gars, là. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. Zach, il faut mettre des sacs noirs, là. Des sacs verts, ouais, c'est ça. Ils mettent ça sur le mat, là. C'est un couvre-mat, là. Comme des Invincibles, là. Ouais, c'est ça, avec l'huile d'olive, là. Il colle off en robe de chambre, là, puis il s'est loué comme plein de vues de porn, là, puis il tape tout son. Il se met un peu d'huile de son bébé. Sofa. Là. Ouais, tu sais, en parlant des gars qui se mettent des élastiques à la graine, là. Ouais, c'est ça. Sur le sac. Oh, j'étais vraiment surpris quand j'ai vu que Malhotra parlait français, moi. J'étais non, pas au courant que sa mère était francophone. Ouais. C'est une Québécoise, il quoi. Vient d'où, lui? Je sais pas. C'est un franco-ontarien. Lui, c'est un franco-ontarien. En fait, c'est pas un franco-ontarien. Sa mère, c'est une. c'est une francophone, je sais pas si elle est franco-ontarienne, mais son père, genre, c'est un... Chris, elle est croche. C'est une salope. Peut-être. Je la connais mais pas. C'est un noir, ah, c'est qu'on ça, mal autre chose. Ouais, c'est ça, son père, genre, c'est un... C'est un haïtien. C'est un immigré de je sais pas quel pays. C'est ça, ça doit être genre un haïtien. Les haïtiens parlent français, saviez-vous? Pendant qu'on est sur un terrain glissant, je pense qu'on peut terminer le podcast là-dessus sur une note semi-malaisante. Alors voilà. Avez-vous d'autres choses à dire, vous autres, les gars, par rapport au CH, around the NHL? Est-ce quelque chose qu'on n'a pas parlé ce soir? Que je dois dire? Il y a un joueur qui s'est fait casser le nez. Ah ouais, j'ai pas vu ça cette semaine. Là. Ouais, ben moi non plus, j'ai juste entendu parler. On vous rappelle que Manny Malhotra est probablement okay. un des joueurs les plus en forme de la Ligue nationale de hockey. Toujours bon à rappeler. Ouais, faut toujours le dire. Sauf qu'il n'a pas scoré encore un calis de but. Non, mais Astiki est fort, ses mises en jeu. Il est fort, ses mises en jeu. Il était écœurant. Mais sérieusement, ouais, on dit que c'est un gars en shape, tout ça. Blablabla. Ben oui, c'est beau, ça va bien le joueur, tu sais. Ben oui. Ben j'ai vraiment rien à dire pour vrai contre Malhotra, par exemple. Non, on a rien à dire contre lui. Hey, est-ce que. Il joue ça à 4. J'ai dit de voir Dave qui s'appelle Emmanuel Malhotra. Ouais. Puis. Emmanuel Novin. Novin. Malhotra. Novin. Alors, on vous invite à aller voir le Wikipédia de Manny Malhotra. Ouais. C'est de Manny Novin. Et sur ça, on va terminer. Ça, c'est à côté de Manny Walkie. Puis sur ça, ben, on va terminer le troisième épisode de la soirée du podcast. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, la soirée du podcast, sur Twitter, @soirée du podcast, sur Google Plus également. Allez faire un tour sur notre superbe site web, lasoireedupodcast.ca. Tous les épisodes sont là, toutes les nouvelles qu'on passe sur Facebook se ramassent là-dessus. Écoutez, c'est bien le fun à regarder ce site-là. Puis si vous voulez nous écouter, vidéo. Je veux juste ramener sur ouais, Malhotra. Ouais, c'est un paquis. Hein? Sérieux? Hein? Ouais, il est born in British India, now Pakistan. OK, c'est un hindou. C'est un hindou pakistanais? Sa mère, c'est une French Canadian. Penses-tu hein? Ouais. Penses-tu qu'elle est beau là, lui? Elle s'appelle Lise. Lise Payette. Lise Payette, là. La fille en chaise roulante? Lise Payette, Malhotra. Non, ça, c'est Lise Thibault. Ouais, c'est Lise Thibault. Ça, c'est elle qui... Ça, c'est Lise Payette. Ouais. Elle qui se paye des soupers à 12 000 piastres avec son garde-corps. Lise Thibault. Lise Thibault. Alors, on vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre. J'ai déjà tout dit ça, cette affaire-là, calice. Ouais, t'es complètement chaud. Je suis complètement chaud. Vous t'es pouvez... encore sous! Si vous voulez nous retrouver en t'as vidéo... T'as pris ton char! Ouais. On est disponible sur YouTube. YouTube slash... Là, c'est HDMI1 ou HDMI2, là? OK. Sur YouTube, on est à la soirée du podcast, puis on est disponible en audio sur Twitter. Sur Twitter, calice. Sur iTunes. iTunes, RZO, Stitcher et la soirée du podcast.ca. Ça fait le tour de l'épisode 3 de la soirée du podcast. Bravo!